shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. C'est génial, non? Petit classique de Michael Jackson comme ça avant 6h sur Virgin Radio. Je me rappelle le clip de ce titre, mon petit neveu, dès qu'il le voyait, il partait se cacher dans sa chambre. Dès qu'il voyait ça sur D17, c'était assez drôle. Dans quelques minutes sur Virgin Radio, retour de toute l'équipe du Virgin Tonic. Il y aura Camille, il y aura Clément, il y aura Laure, il y aura Pauline. Et puis lui, de retour de sa petite formation AFP à Punta Cana, c'est Tristan Sarah pour l'actu partout en France et à Punta Cana du coup. Ouais, salut Robin, bonjour à tous. Encore du soleil sur les Caraïbes aujourd'hui, justement, dans un temps plus mitigé en France. Beau temps sur le nord-est, de la pluie sur la moitié sud. Il n'y a plus d'alerte météo sur la façade atlantique, mais 4 départements en vigilance aux inondations. L'Aveyron, la Lozère, le Gard et l'Hérault. Les orages qui ont provoqué des chutes d'arbres, des arrachages de lignes ou encore des départs de feu. Quelques 120 000 foyers sont encore privés d'électricité ce matin des Pyrénées jusqu'au sud de la Manche. L'actu social avec plusieurs appels à la grève, celui d'abord des infirmières invitées à descendre dans la rue ce mercredi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les infirmiers sont touchés actuellement par une vague de suicides avec la mort prématurée de 5 professionnels depuis la mi-juin. Grève et mobilisation aussi aujourd'hui des salariés d'EDF contre la fermeture prévue pour 2018 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et puis le début ce soir des débrayages à la SNCF jusqu'à vendredi matin. Le coup d'envoi aux grèves prévues ce jeudi contre la loi travail. Le gouvernement se donne 10 jours pour solutionner le dossier Alstom. L'avenir du site de Belfort est toujours incertain. La direction menace de le fermer avec 400 emplois à la clé. Une affaire délicate à 8 mois de la présidentielle. Du coup, l'État a demandé à la SNCF de privilégier Alstom pour ses prochaines commandes de trains et de RER. L'Harmony of the Seas pourrait reprendre la mer dans la journée. Le plus gros paquebot du monde est à quai ce matin à Marseille pour les besoins de l'enquête. Un canot de sauvetage s'est détaché hier lors d'un exercice dans le port. Un mort, 4 blessés parmi les membres d'équipage. À l'étranger, Shimon Peres, hospitalisé d'urgence, en soins intensifs, âgé de 93 ans. L'ancien président d'Israël est prix Nobel de la paix dans un état grave après un AVC. Une partie de son cerveau a été touchée. Les médecins ont décidé de ne pas l'opérer pour le moment. Et puis la trêve bien fragile en Syrie. Pour l'instant, la sécurité n'est pas suffisante pour permettre aux Nations Unies d'apporter leur aide à la population. La guerre a fait plus de 300 000 victimes en 5 ans, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En sport, le foot est un début difficile pour le PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un but partout contre Arsenal sur la pelouse du Parc des Princes. Avec en prime l'expulsion de Marco Verratti à la 93e minute, le PSG envisage de faire appel. Parmi les autres matchs de la soirée, le 7-0 du Barça face au Celtic Glasgow après le premier triplé de la saison pour Lionel Messi. Par ailleurs, le Bayern Munich s'est imposé 5-0 sur le FC Rostov. Ce soir, la suite de cette première journée, Lyon Dynamo Zagreb et Tottenham Monaco à 20h45. Et puis une nouvelle médaille d'or française aux Jeux Paralympiques de Rio, celle de Fabien Lamiro en tennis de table. La France compte ce matin 4 médailles d'or pour un total de 14 récompenses. Notez que la Chine est en tête avec 135 médailles, dont 59 en or. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil! Bonjour à tous et bon réveil, bienvenue sur Virgin Radio, j'espère que tout va bien les copains, on est très très très heureux d'être là, l'équipe est là aussi. Oui, oui. Non, ils sont pas là. Comment elle va alors? Elle va bien, comment ça va toi? Ça va très très bien, oui, je suis très heureux d'être avec vous. Alors ben oui, alors là on est dans un autre délire. Si vous étiez avec nous hier en fin d'émission, sachez que voilà, j'ai pris ce qu'on appelle une porte en pleine gueule dans le jargon médiatique. On dit pareil dans tout d'ailleurs, dans tous les journaux. Oui. Pareil, peut-être infirmière à cette heure-ci en train de nous écouter. Mm-hmm. Une porte dans la gueule, c'est une porte dans la gueule. Ouais, ouais. Quelle que soit votre profession. Et alors, je voudrais remercier quelqu'un qui est avec nous au téléphone. Il m'a dit je suis radiologue. Mmh. Et hier dans la journée sur Facebook, il m'a dit je suis prêt à passer sur l'antenne pour prendre des nouvelles de ton nez. Je pense qu'il n'est pas cassé. Mmh. En tout cas, il doit avoir un petit souci. Bonjour, qui est là? Allô? Allô, salut, c'est Arnaud? C'est Arnaud. Arnaud, déjà je suis très fier que tu nous écoutes. Arnaud, tu es médecin? Ouais, tout à fait. Tu es radiologue? Radiologue, le radiologue préféré de l'or. Eh ben ouais. C'est le radiologue, donc tu connais toute l'anatomie de l'or. Il reste encore un petit point que je connais pas bien, mais arrête tout de suite. Mais oui, mais on a le gynéco de l'or. Ça c'était l'année dernière. Arnaud, alors tu m'as écrit hier, ça me fait très plaisir. On se connaît pas, mais oui, tu es le radiologue de l'or. Et donc tu m'as dit, il y a moyen de savoir si le nez est cassé ou pas. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé hier à la radio en direct. Je ne sais pas si mon nez est cassé. Bah, il faut que l'or regarde. L'or, en fait, a une expérience radiologique absolument délirante. C'est vrai. Et je pense qu'elle pourra le dire, en fait, directement. Mais de toute façon, s'il n'est pas violé, il n'est pas cassé. S'il n'est pas violé, a priori, il n'est pas cassé, mais il faut quand même que tu passes me voir, comme je fais avec l'or à chaque fois. Excuse-moi, Arnaud, t'es en train de me draguer, peut-être. C'est ça que tu me dis directement. Je ne mange pas de ce pain-là, mais moi, je suis ce qu'on appelle un hétéro-curieux. Je ne sais pas ce qui peut se passer, je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais j'ai l'impression que t'as envie de me dire la messe, comme on dit. Oui, c'est bon. Non, mais si on connaît pas l'or, est-ce qu'il y a un moyen de savoir s'il est cassé ou pas? Parce que vous avez dit, là, faut l'or. L'or mais non, connaît. Mais pas violé, non, mais je blaguais. Si, si, tu le regardes facilement dans les yeux. S'il est très laid, c'est cassé. Ah, bah, le mien est cassé depuis longtemps. Non, j'y crois qu'il n'est pas cassé. Donc voilà, on a l'examen d'un radiologue. Et merci à vous tous de vous être inquiétés. Vous avez été très nombreux à laisser des messages toute la journée. Donc ça devrait aller. C'est qu'il y a un problème, mais sinon il n'a pas l'air du tout cassé. Oui, Pauline, au standard. Mais moi je voulais demander à Arnaud savoir si tu pouvais le garder cassé. Parce que c'est s'il est cassé, parce que moi je trouve joli. Ça hyper sexy chez les mecs, le nez cassé. Ah, on peut le garder cassé, ouais, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Et on a aussi une question, là, Pauline, n'ose pas te poser. Ah, je rappelle, hein, Arnaud est radiologue avec nous, parce qu'elle a son mec, Willou la cartouche, oh qui est un peu âgé, et il est glissé dans la baignoire. Savoir si vous pouvez passer une radio du fémur. Mais non. Il a glissé dans la baignoire et quoi? Savoir si vous pouvez faire une radio du fémur, parce qu'il a 13 ans aujourd'hui. Ah, fait... Ouais, bien sûr, il n'y a pas de bon, on passera avec plaisir. Je t'embrasse, Arnaud, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Avec plaisir, à bientôt. Bisous, non, salut, bon. C'est gentil comme tout. Ouais. Le nez n'est pas cassé, tout va bien, les amis. Alors, je disais, Laure est ici. Salut. Clé-clé, il est là. Bonjour. Clément, ça va? Ben, bof. J'ai eu une journée malchance. Je me suis. Mon scooter a comme explosé de l'intérieur. Je roulais et plus rien du tout d'un seul coup. Donc, je suis garé dans Paris sur un côté. Je sais pas comment je vais le retrouver. Mais comment ça a explosé? Comment? J'en sais rien. Non, mais de l'intérieur, je crois que c'est le moteur. Ah non. Le bug total. Ben, souvent, à l'intérieur, c'est le moteur ou le coffre. Hein. Ben, à toi de savoir ce que t'as mis dans ton coffre. Ben, non, mais je sais pas du tout. Ça a fait. Et ça s'est arrêté. Exactement ce bruit là. Ah ben là il doit être ça. C'est les segments ça. Est-ce qu'on peut appeler un mécanicien? Là t'as serré. Là t'as serré je pense. Serré toi. Ouais, je pense que t'as serré le moteur. C'est ça ou c'est le carbu de façon. Ou alors. Tu penses pas que c'est l'arbre à cam? Ah c'est peut-être l'arbre à cam. L'arbre à qui? Ouais la mécanique. L'arbre à cam. Il y a juste un autre mot. Peut-être il y a des garagistes hein, qui commencent très tôt, qui sont peut-être sur la route pour aller au travail. Il y a un autre mot de mécanique. C'est peut-être le seul que je connais. C'est tête de Delco. Vous savez pourquoi? Ouais. Non, parce que c'est toujours ce qu'enlevait MacGyver pour créer un truc. Ah oui. Dès qu'il y avait une galère, MacGyver, il ouvrait le Jeep, il prenait la tête de Delco, il t'en faisait, mais un rafting. Mais la tête de Delco, c'est ce qu'ils ont fait toujours MacGyver. C'est pour ça que je connais la tête de Delco. Il y a Ginger qui est là aussi. Salut Ginger. Hey, salut. Moi, le seul terme que je connais, c'est joint de culasse. Joint de culasse. Ah oui, sincèrement, ouais. Je sais même pas où est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, mais alors, je connais ça. Tu sais, en fait, c'est juste à côté de la culasse. Il y a un joint. Ouais. Ça sert à quoi? Alors, le joint de culasse, c'est, je saurais pas dire à quoi ça sert. Je suis très mauvais en mécanique, mais en revanche, je sais que quand tu fumes noir, c'est pas bon, mais quand d'un coup la fumée noire se transforme en blanc, un peu comme quand on élit un pape, c'est que ton moteur est en train de. Ouais, c'est le vrai problème. Ah peut-être que des fois le Vatican fait le joint de culasse et on croit qu'il y a un nouveau pape. Alors qu'ils sont juste en train de se faire le joint de culasse, Clément. Donc on n'a pas changé de pape hier. De pape. Ah non, on n'a pas changé de pape. Bah, le moteur est mort. Bah, c'est juste ton moteur. Il y a Popo du standard qui est là aussi. Bah, moi, je connais les roues sur la moto. Bah oui, mais Clément, c'est mon roue de secours. Toujours là avec moi, bien sûr. Et puis, il y a Nico du bureau. Alors là, attention, Jean-Paul Gaultier le mâle, quoi. Ouais. On est en marinière, quoi. Ouais. Attention, Fashion Week. Ça va, Nico du bureau? Ça va super. Et justement, le jeune culasse. On voulait pas en savoir plus. Merci. On est content que t'ailles bien. On n'a pas non plus des heures à te consacrer. J'entends. Les amis, c'est votre loyer qui est à gagner. Inscrivez-vous loyer au 7-12-13. En plus, ça vous permet d'être inscrit pour les 50 ans de loyer qui arrivent vendredi. Et on commence tout de suite avec Mom. Aloha, excellent réveil sur Virgin. Cosmic love gave you something gold. So you wrapped Merci d'être avec nous les amis, bienvenue dans le Virgin Tonic. Toute l'équipe pardon est là. J'espère surtout que vous êtes avec nous. Courage, courage vraiment à vous, couvrez les yeux qui êtes peut-être encore sous la douche. On est là nous chaque matin à vos côtés. Et avec une info, elle m'a chamboulé hier. Je voulais vous en parler, Dans une vie, on utilise 900 mètres de dentifrice. C'est fou. Écoutez, c'est une étude, ça a été fait par Colgate. Et voilà, ils disent en fait, avec tous les tubes qu'on passe dans une vie, en se lavant en moyenne les dents deux fois par jour, on utilise 900 mètres de dentifrice. Et alors, je suis désolé, c'est de la curiosité mal placée, mais j'aimerais trop savoir c'est quoi votre dentifrice dans l'équipe. Moi, j'ai Sansodyne. Ouais, j'en suis fragile. Ok. Ah ouais, je suis en sansodine, c'est pas mal du tout. Laure. Moi, c'est My Diamant parce qu'ils nous ont envoyé un stock l'année dernière. Et donc, moi, tout en c'est gratuit. C'est vrai. C'est pas hyper bon, mais c'est gratuit. Ça a le goût du gratuit. Voilà. Oh, c'est toujours bien. Clément. Moi, ils sont pas en tube, je sais plus le nom, je crois que c'est Teraxil. C'est des petits, un peu, qui tiennent dans la poche. J'avais ça avant. Des petits pots, c'est pas mal du tout ça. Le 2 en 1. Le 2 en 1, exactement. Bien sûr, on connaît Teraxil. Shampoing après shampoing. Bien sûr. Pauline, du standard. Qui chique du tabac en plus. Donc oui, beaucoup. Non, moi j'utilise, tu sais, les dentifrices à la fraise pour enfants. Ah, j'adore. Il y a plusieurs marques. En plus, tu peux l'avaler. J'utilise la brosse à dents pour enfants parce que j'ai des petites dents. Enfin bon, j'ai 5 ans. Ah non. Ah, moi j'adore. Alors j'adore. Vraiment, je sais que c'est que quand je passe l'été avec mon neveu. Voilà, mon neveu Raphaël, dès qu'il vient, il a pareil. C'est les dentifrices pour les enfants à la fraise. Mignon. Et alors là, mais je passe l'été à me laver les dents avec son dentifrice. J'adore ça. Ginger. Ils en ont carrément avec des paillettes dedans, s'il te plaît. Avec le bouche chewing gum, c'est magnifique. Ah, j'adore. Ben envoyez-nous-en comme ça, Laure pourra goûter. Voilà. Si vous voulez nous en offrir, ça fera plaisir à Laure. Oui, Laure. Non, c'est très mauvais pour les adultes. Ça, en fait, ça n'enlève pas du tout les bactéries. bactéries. Oui. Donc ça sert à rien de vous laver les dents avec ça, encore moins qu'une petite brosse à dents. Excusez-moi, je m'y connais un petit peu. Excusez-la, fille de dentiste, bientôt mariée avec un dentiste, forcément elle s'y connaît en santé bucco-dentaire et en cheval, bien sûr. Il y a deux choses. Quand on a une fille de dentiste, forcément on connaît les dentifrices qu'il faut utiliser et on sait où se garer à Deauville. C'est deux grandes infos qu'on a en tant que fille de dentiste. On écoute The Strombellas tout de suite sur Virgin Radio. Vous verrez, alors, c'est un petit groupe de punk à chien. Mais vous attendez ça. Ça n'a pas dû arriver jusque dans votre manoir, mais c'est très beau, vous verrez. C'est parti. Bonjour tout le monde, nous sommes The Strombellas on Virgin Tonic. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Par SMS. Un SMS, c'est deux fois plus de chances de gagner puisque vous êtes également automatiquement inscrit au tirage au sort de vendredi. 50 ans de loyer, ça y est, J-2. Restez avec nous, tirage au sort dans quelques minutes. Bon réveil. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Tous les matins, 6h, 9h. Sur Virgin Radio. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby. Voici Capture, le crossover. Avec sa position de conduite surélevée, il offre une parfaite vision du jeu. Capture est à partir de 169 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre sous condition de reprise pour Capture Life Energy TCE 90 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1 200 € si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Eh, hey, c'est la foire à l'euro chez U. Ah bon? Hey, regardez comme ils sont mignons, ils sont tout ronds, tout petits. Daniel, vous parlez de qui là? Eh ben, des petits prix de la foire à l'euro. Ah. Et des prix ronds. Regardez, il y en a à tous les rayons. Ah oui, ah oui. Là, là, il a. Et des petits prix mis bout à bout, eh ben, ça fait de grandes économies. Il y en a encore un là, Daniel, regardez. Oh, oh, ben, oh, il est si petit que j'ai bien failli le rater celui-là. Petit, petit, petit. C'est jusqu'au 24 septembre sur une sélection de produits dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Un temps très contrasté aujourd'hui avec une alerte sur les Bouches-du-Rhône et l'Ardèche. Deux départements placés en alerte aux orages. De la grêle également sur la région marseillaise. Quatre départements en alerte aux inondations. L'Aveyron, la Lozère, le Gard et l'Hérault. Du grand soleil tout de même sur l'île de France et sur le quart nord-est. Vous aurez 20 degrés cet après-midi à Bordeaux, 21 à Cherbourg, 22 à Nîmes et à Perpignan, 23 à Brest, 26 à Nice, 27 à Lyon et à Valence, 31 à Lille, Senlis et Paris, 32 pour Nancy. Bon réveil. Dans deux jours, à 8h20, Camille Combal va changer votre vie en vous offrant le plus beau des cadeaux jamais offert. Une seule question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Une seule réponse. C'est Virgin Radio. Et Camille Combal vous paiera 50 ans de loyer. Wow. Oh là là, ah, c'est pas vrai. C'est pas possible. Un loyer payé pendant 50 ans. 50 ans, magnifique. Impatient de vous offrir ça, les copains. Dans deux jours, à 8h20, pour être le grand gagnant des 50 ans de loyer. Maintenant, au 7-12-13, code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie. Bieber, au 88-484, Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E-B-E-R, au 88-484, accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber, au 88-484. Abonnement 3 € par semaine, DGP. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Shawn Mendes. Le nouveau Lost Frequencies. Le nouveau Alan Walker. Broken Back. Virgin Radio. Rock. Electro. Votre loyer sur Virgin Radio. Oui, on est là chaque matin à vos côtés sur Virgin Radio. C'est le 14 septembre. Il y a Laure, il y a Clément, bonjour, il y a Pauline. Coucou. Il y a votre loyer à gagner. Déjà énormément de SMS reçus en 20 minutes à peine. Courage à vous qui ouvrez les yeux. Le plus dur maintenant, c'est d'allumer la lumière, se brûler la rétine. Mais tout va bien. Vous me l'avez envoyé ce SMS. Ce qui veut dire que non seulement je peux vous prendre au téléphone maintenant, un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit remboursé, mais en plus, quoi qu'il arrive, vous êtes inscrit pour les 50 ans de loyer. Même si je vous tire au sort maintenant, c'est peut-être vous aussi jouer au téléphone vendredi matin à 8h20. On en reparle dans un instant. Mais là d'abord, qui est la gagnante ou le gagnant de 6h20? Parmi vous tous, je sais qu'à cette heure-ci, ouvrez les yeux, mais c'est surtout aussi plein de gens qui ont bossé cette nuit, qui sont encore sur le chemin retour pour rentrer chez eux. Soyez prudents sur la route, c'est parti. Premier tirage au sort. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Cécile à l'appareil. Cécile, je suis ravie de t'entendre. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Et... Ouais. Non, Céline est comme une dingue. Il y a de l'ambiance chez Céline. Céline, tu viens d'où, ma belle? Je viens d'Attifonds, dans le 91. D'accord, région parisienne. Et un loyer de combien là-bas, Cécile? 692 €. 690 €. T'as une copine qui est très agitée derrière. Oui, bon. Oui, c'est mes collègues qui sont derrière. Ben, on est très heureux pour toi et pour toutes tes copines. Tu vas pouvoir leur payer à manger à midi. Hein. Bah oui, j'imagine. Bah oui, il y a un apéro qui va se prévoir. Là, ah, tout pour l'apéro, mais bon. 692 €, ma belle. C'est le chèque que je vais te faire. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, le chèque part tout de suite. Tu vas le recevoir, tu le dépenses comme tu veux. Et en plus, Cécile, tu l'as compris. Tu es peut-être... Vendredi. peut-être la gagnante de vendredi, ben oui. J-2. On est à deux jours maintenant. 48 heures à peine nous séparent de la journée la plus dingue que la radio française ait connue, puisque on va faire le plus gros chèque qui ait jamais existé. Ma petite Cécile, avec 692 euros, c'est peut-être à toi que je fais un chèque de 415 200 euros. Oui, j'ai déjà calculé. C'est génial. C'est très simple, hein. Vous prenez votre loyer, multiplié par 12, ça fait un an, multiplié par 50. Wow. C'est le chèque qu'avec toute l'équipe, on va vous faire vendredi matin à 8h20. Il suffit de vous inscrire au loyer au 7, 12, 13 si c'est pas fait. Et ce chèque, c'est important, je le rappelle, mais vous le dépensez comme vous voulez. Cécile, demain, je lui fais son chèque de 415 000 euros. Si t'as envie d'acheter une maison, un appart, 19 voitures, tu dépenses cet argent comme t'as envie. C'est pas un chèque qu'on vous fait tous les mois, bien sûr. Oh mon Dieu. Tu m'appelles vendredi, c'est ça que tu dis en fait. Eh ben, écoute, j'espère, à mon avis, vu comme était déjà contente ta copine derrière, si je t'ai vendredi matin, elle va nous faire une crise. Hein. Ah oui, c'est probable. Je t'embrasse très très fort, ma Cécile, plein de bisous. Moi aussi. Bisous. Et félicitations à toi, première gagnante de la journée. On est très très très heureux. Elle sourit, Cécile. Hein. Ouais. Scalvin Harris, voilà ce qu'on écoute. Prochain tirage, c'est 7h20. Vous l'avez compris. Excellent réveil à tous. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. réveil, c'est mercredi aujourd'hui. Merci de nous avoir choisis. On est là à vos côtés. Vous êtes peut-être au petit-déj, peut-être sous la douche. D'autres sont déjà en voiture. Soyez prudents. N'oubliez pas en voiture, Laure. Un trait, c'est que c'est quoi déjà? Mais non. Un trait, santé. Deux traits, faites des pauses. Faites attention, hein, Clément. Celui qui conduit, c'est celui qui est devant à gauche. Ah non, c'est ça. Non, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, et c'est souvent celui qui pêche au pas aussi. Ouais. Malheureusement, ouais. Mais c'est important, Laure. Un trait danger, deux traits sécurité. Mais on devrait l'avoir. Ouais. Bon. On l'a depuis le jour de notre permis. Voilà, les amis, dans un instant, un point sur l'actu. Vous le savez, comme chaque matin. Puis, ce sera le réponse à tout, le premier de la matinée de Clément Lincruste à 6h35, comme tous les jours. Mais pour le moment, je voudrais vous faire découvrir un nouveau jeu. Ah ouais. Nouveau jeu qu'on a trouvé. On a écrit plein de défauts sur des morceaux de papier qu'on a mis dans un bol. Nico va en tirer un au sort et on va devoir voter pour l'attribuer à une personne de l'équipe. Vous l'avez compris. Okay. J'ai écrit ce que je pensais être mes défauts. J'ai écrit, Laura a écrit ce qu'elle pensait être chacun ses défauts. Ok. Et ensuite, on devra deviner, selon nous, à qui ça appartient dans l'équipe. C'est bien ça? Oui. C'est oui. Ça. On y va, c'est parti. Menteur, voleuse, prétentieux, sans pas prendre la bouche. C'est le bol des défauts. Des défauts. Nico n'a pas participé, évidemment, non. Parce que sinon ça ne marcherait pas, puis on avait trop de défauts à lui mettre. Un bol n'aurait pas suffi. Pauline au standard. C'est bien parce que c'est le genre de petit jeu où on s'embrouille tous les quatre. Voilà. C'est sympa. Moi j'ai une passion dans la vie, c'est semer la zizanie dans cette petit jeu. On y va. Premier défaut, on y va. Mauvaise foi. Mauvaise foi, alors. Camille. J'avoue qu'on est sur les deux. Clément, tu dirais. Je me serais dit moi, mais je vais dire Laure. Ginger. Ben, moi je dirais Clément. Moi, je suis une mauvaise foi. Clément, il est quand même de moins mauvaise foi que Laure et moi. Ah non, je t'assure. Ah ouais. Il cache bien son jeu. Pauline. Moi, je dis Calor. Calor dans mon vrai. Ah, tu peux dire moi, hein. Non, mais Laure. Non. Eh, je suis d'accord, si, je pense vrai, que tu l'es encore plus que moi. Je pense que mauvaise foi, c'est Laure, Nico du bureau. Je dirais toi, moi. Sérieux? Ah, voilà. Non, mais c'est vrai. Après, Laure, elle a plein d'autres défauts, donc je vais pas lui mettre celui-là en premier, en fait. Non, et toi, c'est ton deuxième prénom, mauvaise foi. Ah bon? Ah oui. Donc on est à égalité sur le... Ouais, je pense. Ok, on est à égalité sur la mauvaise foi. Attention, on tire un autre défaut. Je rappelle, on a mis plein de défauts hein, dans ce bol. Peu importe, chacun en a mis un peu des siens. Peu importe, on doit deviner qui a le plus ce défaut. Nico, pardon. Sent très mauvais de la bouche. Tu joues pas, toi? Non, non. C'est pas moi. Sincèrement, je vais être honnête, dites entre vous, je saurais pas dire, vraiment, je trouve personne, sincèrement. Oh bah, je vais dire mon voisin de gauche, puisque je peux pas dire mon voisin de droite, donc je dirais Clément. Ok, je pense que si on prend juste café, cigarette et tout, Laure, c'est celle qu'enchaîne le plus. Ouais. Ginger, Pauline. Ben, Clément. Ouais. Clément. Ah, bah Clément. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez, je résume à peu près, plus de la gueule. Voilà. Attention, on continue, je rappelle, un bol de défaut de... C'est des défauts complètement comme ça, pris au hasard. Et puis on va essayer dans l'équipe de trouver celui qui a le plus ce défaut. Ça, c'est vraiment un jeu à faire en famille si vous voulez ne plus jamais voir votre famille. On continue. Nico, un dernier. Égoïste. Égoïste, Laure, mais à 2000. Oh non. Pardon. Non, elle est généreuse. Ouais, elle est généreuse. Ah ouais, parce que là. Pas généreuse. Égoïste. Ouais, allez, Pauline. Oh Laure. Pauline, sans hésiter. Ouais. Vous êtes horrible. Pauline. Ouais. Ouais, Pauline aussi. Ouais, Pauline. Oh. Et Pauline aussi. Ouais. Et Pauline aussi pour Nico. Ouais. T'es la plus égoïste de l'équipe. Alors je résume. Mais quoi? Laure et moi, on se partage la mauvaise foi. On va refaire ce jeu. Hein. J'adore. Laure et moi, je sais pas qui avait mis mauvaise foi dans le bol, mais Laure et moi, on partage la mauvaise foi. Clément, j'ai la pire haleine apparemment. La pire haleine. Et Pauline est la plus égoïste. Mais attends, je suis au standard tout le temps avec les auditeurs, je donne de ma personne tout le temps. Mais elle est tellement égoïste que peut-être qu'elle partage pas sa mauvaise haleine, c'est peut-être elle qui aurait eu la mauvaise haleine. Et ça se trouve, elle partage pas sa mauvaise foi. Ah. Bon, mais je m'en vais. Jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. Attention, je plaisante. On peut plaisanter ou pas? Très heureux d'être avec Pauline. Appelez-la 3916 Manzel Merlin. Voilà ce qui arrive aussi dans un instant. Lui aussi, on va le faire passer au bol des défauts. Restez avec nous, c'est Virgin Tonic. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. 5 départements en alerte ce matin dans le sud de la France. Un risque d'inondation sur l'Hérault, le Gard, l'Aveyron, la Lozère et l'Ardèche. Sachez que le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont eux en alerte aux orages. La vigilance a été levée sur les départements de l'ouest du pays. Ce matin, ce ne sont pas moins de 120 000 foyers qui sont privés d'électricité après les intempéries de ces dernières heures. De grosses inondations et des arrachages d'arbres et de câbles du Pays Basque au sud de la Manche, en passant par la Bretagne également fortement touchée. Le coup d'envoi ce soir de la grève à la SNCF, un mouvement qui rejoint les appels lancés pour la journée d'action demain contre la loi travail, des perturbations aussi dans l'aérien. Grève également aujourd'hui des salariés d'EDF opposés à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et puis mouvement social également ce mercredi des infirmières pour dénoncer la dégradation des conditions de travail alors que la profession est touchée par une vague de suicides. À propos de santé, le lancement aujourd'hui d'une campagne de sensibilisation pour apprendre les gestes qui sauvent, bouche à bouche, massage cardiaque et autres positions latérale de sécurité. La campagne de formation au premier secours est lancée par la Fédération des sapeurs-pompiers, par la Croix-Rouge et la Protection civile. Tous les élèves de 3e ainsi que les délégués de classe vont ainsi être initiés au secourisme. Les Français sont fous de bons becs. La consommation de bonbons fait des bons. Nous en dévorons en moyenne quelques 3,5 kg par an et par personne. Chiffre en hausse de 2% au premier semestre de cette année. Et ce sont les bonbons qui piquent et qui connaissent le plus de succès. Ce sont aussi mes préférés. Un mort et 4 blessés parmi les membres d'équipage du Harmony of the Seas, un canot de sauvetage s'est décroché du plus gros paquebot du monde lors d'un exercice de sécurité dans le port de Marseille. Plusieurs enquêtes ont été lancées par les gendarmes maritimes, par l'inspection du travail ou encore par le centre de sécurité des navires. À l'étranger, Shimon Peres hospitalisé dans un état grave en Israël. Le dernier des pères fondateurs de l'état hébreu encore en vie a été victime d'un AVC. Il est dans un état grave, hospitalisé en soins intensifs. Shimon Peres a 93 ans. Une belle exclue musique aujourd'hui sur Virgin Radio, le groupe Justice qui va lancer son tout nouveau single baptisé Randy. Il sera à découvrir en exclu ce soir à 20h30 précise sur Virgin Radio. Le titre ne sera dispo en streaming et en téléchargement qu'un peu plus tard dans la soirée. Justice, l'un des gros groupes français reconnus dans le monde, avec déjà plus de 2 millions d'albums vendus. Un mot de foot pour terminer, la suite de la première journée de Ligue des Champions. Deux clubs français en lice ce soir, Lyon qui reçoit le Dynamo Zagreb et Monaco qui joue à Tottenham. Deux matchs à 20h45. Hier, le PSG a fait match nul à but partout face à Arsenal. Très bon réveil. Bienvenue à vous tous, mercredi le 14 septembre, on est là tous ensemble, il y a Laure, il y a la Clément. La Pauline, excusez-moi, on est tellement heureux de se réveiller à vos côtés, courage à ceux qui sont encore à la maison sous la douche, d'autres sont même déjà en voiture, je le sais, prudence en tout cas, on pense très très fort à vous, comme chaque matin, on est avec vous 6h, 9h, le réponse à tout de Clément Lincrus qui va arriver, et puis j'ai des cadeaux magnifiques à vous offrir. On va vous offrir deux iPhone 7. Ouais. Hier, il n'a pas été gagné. Aujourd'hui, on repart sur le jeu du pari. Je vous rappelle très rapidement, vous nous appelez au 3916. Je vous pose des questions et vous devez parier sur, selon vous, dans l'équipe, peut avoir ou pas la bonne réponse. Le jeu, je l'adore. Ah ouais. Ah oui. Et à la clé, il n'est pas simple, hein, puisqu'on n'a pas pu l'offrir hier. On a tenté deux fois. Ouais. À la clé, un iPhone 7. Vous êtes très nombreux à vous inscrire. C'est le 3916. Et vous le recevrez avant tout le monde vendredi matin, le jour de sa sortie officielle. Le pop rock électro de Manzel Merlov. Voilà ce qui arrive. Pour le moment, comme chaque matin, réponse à tout. Réponse à tout. Vous offre des beaux cadeaux et avant 7h. Hein, nous, on n'attend pas 7h pour faire des beaux cadeaux ici, puisque dans un instant aussi, une tablette tactile Polaroid, allez voir sur internet, elle est canonissime. Ouais. Elle est à gagner là aussi au 3916. C'est le retour du Prout Game. Ah, ah, un jeu, un concept, on enlève des mots de chanson, on met des proutes, et évidemment, c'est le plus beau jeu qui n'ait jamais existé en radio. Nico du bureau. On écoute vraiment nos auditeurs parce que c'est le jeu le plus demandé sur les réseaux. Oui. Mais alors, vous sachez, hein, si vous nous rejoignez, peut-être pour la première fois dans l'équipe, je suis le seul, je suis le géniteur. Et le seul à aimer ce jeu, toute l'équipe est aidée et vous l'adorez. Et ben moi, l'important c'est que vous l'aimiez. Et c'est le meilleur jeu qui ait jamais existé. Le Prout Game qui revient dans un instant, Clément. Et la réponse à tout, la question est très simple. J'aurais demandé pourquoi vous êtes embrouillé la dernière fois avec votre meilleure copine. Et le Prout Game qui arrive. Est-ce que vous êtes déjà fâché avec votre meilleure copine et pourquoi? Pourquoi tu t'es fâché avec ta copine la dernière fois? Parce que je lui ai mis la tête dans le sable. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce qu'elle m'énervait. Pourquoi elle t'énervait? Parce qu'elle me tapait tout le temps. Et après, elle t'a mis la tête dans le sable et vous étiez plus copine? Non, c'est pas ça. C'est quoi l'histoire? Et en fait, je lui ai mis la tête dans le sable, elle n'arrêtait pas de me taper, du coup, elle m'a donné un coup de pied. Et vous êtes devenue copine encore maintenant ou vous êtes plus du tout copine? On est encore copine. Et comment vous vous êtes réconciliée? Parce que je faisais des beaux châteaux de sable. Et du coup, elle est revenue jouer avec toi parce que tu faisais les beaux châteaux de sable? Oui. Et toi, alors, ta meilleure copine, tu t'es fâchée avec elle ou pas? Non. Tu t'entends trop bien avec elle? Des fois non, des fois oui. Elle connaît tous tes secrets? Non. Ah, et donc c'est pas ta meilleure copine? Si. Tu lui donnes que la moitié de tes secrets? Non, je lui en donne aucun. Ah, tu les gardes pour toi? Oui. Ok, c'est qui? Ton amoureux ou pas? Non. Toi, tu le sais? Non. Réponse à tout. Merci les enfants, dans un instant j'affronte toute cette équipe, je suis le seul à aimer ce jeu mais vous l'adorez, le Prout Game sera de retour sur Virgin Radio. Bah oui, c'est le Virgin Tonic de Camille Combal, je fais ce que je veux. Eh oui, quand ce sera le Virgin Tonic de l'or, eh ben vous écouterez plus. Eh ben, sur Virgin, on va quitter Menzel Berdov tout de suite. Je rigole. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi, j'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game, wish I could just let it be. Should've left but I did it again, and now it all fires back in me. Je fuis ton regard, de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. Que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire no. Salut à tous, merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Merci vraiment d'être là. Vous avez peut-être appuyé trois fois sur le bouton de votre machine Nespresso pour faire un café allongé avec une seule capsule. C'est pas simple et c'est normal, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Nous en tout cas, on vous accompagne depuis 6h et jusqu'à 9h avec Laura, avec Clément, bonjour, avec Pauline. Coucou. Et surtout, surtout si vous nous rejoignez, avec le meilleur jeu que la bande FM n'ait jamais connu. Ouais. Oh là là. Je vous parle d'un jeu musical, je vous parle de Prouti Proutou. C'est le Prout Game. Hey, vous l'attendiez, voici le Prout Game. Eh oui, le Prout Game. Déjà, le jingle est génial. Tout est génial. Remets-moi la musique parce que là, vraiment, c'est un événement. C'est pas n'importe quoi ce dont je suis en train de vous parler. Le Prout Game, on met des paroles de chansons et dans ces paroles de chansons, on enlève un mot qu'on remplace par un prouti, par un prout. À vous de reconnaître le mot. Vous en reconnaissez au moins deux, c'est gagné pour vous. L'équipe est atterrée. Ah oui. Et moi, j'ai une passion absolue pour ce jeu. Cédric va jouer avec nous ce matin. Salut Cédric. Salut Camille, salut l'équipe du Virgin. Salut Cédric. Je suis ravi de t'accueillir. J'aimerais que tu montes patte blanche parce que c'est un moment exceptionnel d'avoir été sélectionné au 39-16 pour participer à ce jeu incroyable qu'on ne fait pas assez. Exact, je vais montrer patte blanche, il n'y a pas de souci. Je suis très heureux de le partager avec toi à ce moment. De toute façon, je ne le partage pas avec l'équipe. Je te donne un petit exemple, voilà ce que ça donne le Prout Game. Par exemple, vous connaissez Beyoncé. I'm a single lady, put your hands up. Eh bien, dans le Prout Game, ça donne ça. Oh non. Donc là, il fallait trouver Ladies, sur bien Beyoncé, sûr. Quand même. C'est Ladies qui avait été subtilement masqué par un petit bruit de paix. C'est très subtil. Le principe du jeu est ça. Tout est subtilement masqué. À toi de retrouver le mot caché. On commence tout de suite. C'est parti, Cédric. Allez, on t'a préparé parti. Trois morceaux pour mon plus grand bonheur. Oh là là, Gala qui était venu nous voir dans l'émission. Tellement heureux. J'adore. Alors mon bichon, qu'est-ce que c'est d'après toi? C'est Free From Desire. Eh bien sûr. Première bonne réponse de ce Prout Game. Ah, oh, je suis content, il m'avait manqué ce jeu et on a un bon candidat. On a un très très bon candidat. Si vous êtes avec nous, bienvenue sur Virgin Radio, on est en plein Prout Game. Attention, deuxième extrait, c'est parti. J'assume pas du tout. C'est dur. Il est tellement fier, Camille, avec son regard d'enfant de 5 ans. Il a un peu honte quand même. Oh non. Oh là là là là là là. Je vois même pas pourquoi on fait d'autres jeux. Franchement, quand on a un jeu pareil, on devrait faire ça tous les matins. Je comprends pas, on a 20-30 jeux alors qu'on a le meilleur des jeux. Arrêtez de faire d'autres jeux. Franchement, ça ne serait pas. Merci Cédric. Cédric, d'après toi, qu'est-ce qui a été masqué? C'est mon cœur. Mon cœur, mon amour d'Anaïs, c'est une bonne réponse. Ça fait deux bonnes réponses, mon poteau. Félicitations, c'est gagné pour toi. Bravo. Bravo, bravo mon Cédric, je suis très très très heureux. Mais en plus, derrière toutes les blagues et derrière ce jeu canonissime, je t'offre quand même un très très beau cadeau, mon pote, puisque je t'offre une tablette tactile Polaroid pure 10.6 pouces, haute définition, plus 2 haut-parleurs. Les gars, à un moment donné, il faut amener le vendeur de chez Darty pour la vendre. Franchement, je suis affolé, Camille. Mais je suis très ravi, vraiment. Je vous écoute, mais tous les matins, c'est t'es un amour. Un vrai plaisir. Juste par contre, ça me fait très plaisir, Cédric. Juste un petit autocollant du Virgin Tonic pour mettre derrière. Je suis au feu rouge, on me prend juste pour un abruti arrière tout seul, comme un con. Donc si j'aurais ça, je passerais peut-être un peu moins pour un con. Eh ben on a lancé les stickers officiels de l'émission, je te l'envoie avec plaisir. Je ne récolte pas tout seul, beaucoup. J'écoute le Virgin Tonic. Exact. Merci beaucoup, vous êtes super, franchement, mais continuez comme ça, vous me appelez tous les matins. Même des fois je me lève tôt, et avec vous c'est toujours un réel plaisir. T'es un amour, mon Cédric, vraiment ça nous touche énormément. Merci, on est tellement heureux de passer cette troisième année déjà à vos côtés, tous les matins 6h-9h, avec le Pop Rock Electro que vous aimez aussi. The Avener, We Go Home, excellent réveil à vous tous, à Cédric, à vous tous qui êtes si sympas de vous ouvrir les yeux à nos côtés. C'est parti. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. Doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know. I know. both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh. Supposed to think you're thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home. J'espère vraiment que ça va pour vous qui êtes encore à la maison. D'autres sont en voiture, vraiment soyez prudents. Vous êtes en train de galérer à étaler le beurre. Encore tout froid qui sort du frigo, on est obligé de le mettre au frigo le beurre. Bah bien sûr. Dur à étaler. Ah oui. Et c'est une galère. Faut le mettre où le beurre dans le frigo? Moi je le mets sur le petit côté, il y a une tu sais, un Tu le mets avec les œufs. Ouais, voilà. Donc il y a les œufs. Ouais, je fais pareil. Mais du coup, très haut et très haut, il fait très froid dans le frigo. Ouais. Donc encore plus dur à étaler. C'est pas faux. Mais sinon, tu peux acheter du beurre tendre. Allez vire. Croyez-moi, si j'avais eu l'enfance que vous avez eue, moi aussi j'achèterais du beurre tendre. Mais je peux pas, il n'y a plus rien de tendre chez moi, Clément. Il fait plus froid dans le haut du frigo que dans le bas? Ah bah oui. Bah oui. Écoute, alors je sais pas, mais c'est pour ça que je mets les canettes en haut. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid dans le haut du frigo. Bah c'est pour ça qu'on met les légumes en bas. Bien sûr, c'est pour ça qu'on achète plus de blousons dans le nord de la France que dans le sud de la France. Ah d'accord. Ton frigo, c'est pareil, le bas, c'est le sud. C'est la région. Il y a des gens qui se baignent, il y a du sable près des légumes et tout. Je viens de me rendre compte que les frigos, c'est à l'image de la France. Et oui. Au nord, ce qui est normal, comme nous, hein, là où on habite, il fait plus froid. Et en bas, c'est un peu la région PACA, on met les courgettes. Et bien sûr. On met là où grandissent les brebis, bien sûr, en Corse, dans le maquis Corse. C'est là qu'on met le fromage. En fait, ça monte comme la France. Absolument. Ouais. Exactement. Et puis les boissons, elles sont à gauche ou à droite. Et c'est vrai que moi, je viens de l'Ouest, on picole pas mal là-bas. Donc c'est lié, c'est-à-dire que je vais vous dire un truc. Correspond. En France, on a tous on aime bien lever le coude partout en France. Oui, évidemment. C'est vrai que moi, il y a de la bière partout dans mon frigo. Il n'y a pas de souci. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. On va pas parler que de nos frigos. Il y a des trucs super qui vont arriver dans l'émission. Faites-nous confiance. Kungs, Don't You Know. Et puis bien sûr votre loyer à 7h20. Déjà deuxième tirage au sort qui est en train de se préparer. Loyer au 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. C'est le même numéro qui vous inscrit pour les 50 ans. Un SMS, deux fois plus de chances de gagner. Les 50 ans, c'est vendredi matin à 8h20. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Darren, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs, compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur Beansport. Avec ce soir, Olympique Lyonnais, Dynamo Zagreb, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Le magique anniversaire de But, c'est en ce moment. Le canapé d'angle convertible Osana est à moitié prix. 599,75€ au lieu de 1189. Un canapé à moitié prix? Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va aussi. Gâteau, gâteau chocolat, citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marelle. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. La Redoute Intérieure présente... Pour vous, les rabat-joies. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites-donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40€ tous les 100€ d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40€ tous les 100€ d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. On est arrivé. Tu descends, chérie, je vais chercher une place. Smart for Two. Garez-vous enfin là où vous allez. Smart for Two 45 kW pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois 40 000 km sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Vous allez l'entendre partout. On est la première radio qui vous l'a joué. C'est Virgin Radio. Soyez les bienvenus ici sur Virgin Radio. Vous êtes chez vous, hein, vous le savez. On est là chaque matin entre 6h et 9h pour nous joindre 3916. Vous tombez, oui, sur la popo du standard. Coucou. Il y a Laure qui est là aussi. Hello. Et puis il y a Clément qui, salut, juste après l'actu, hein, ça c'est tous les matins 7h, juste à 7h05, nous fera découvrir la question de ouf du jour avec tous les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. Ne bougez surtout pas. Je voudrais vous remercier aussi à Ginger et moi. On lit tous les messages sur les réseaux sociaux. Merci de vous être autant inquiétés. J'ai failli me casser le nez en direct hier. Oui, oui, on a eu peur. Le nez va bien. On a eu un radiologue sur l'antenne. Oui. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Mais ça, j'ai eu peur. Je crois que j'ai jamais pris une porte aussi fort dans la gueule. Ouais, mais le nez, en fait, ça fait. C'est, des petits coups font hyper mal sur le nez. Ah, tu vois, ouais, c'est vraiment une zone fragile et ça reste longtemps, la douleur. Donc même un petit coup. Ça, surtout ça, moi, je suis. Je suis très sensible à tout. Les petites douleurs, rien que, tu sais, quand vous avez des petites coupures au doigt et que vous essuyez les mains avec les... lingettes au citron. Ouais, les lingettes au citron, là, qu'il y a dans les restos. Ben, rien que ça, moi, je peux faire un coma et tout. Je supporte pas la douleur, je me plains pendant une heure, ma chérie, on peut plus. Ouais. Je suis très enfant sur les douleurs, Clément. Moi, le pire, c'est quand tu sais, tu te coupes les ongles trop courts. Ah, c'est horrible. Et pendant toute la journée, tu marches dessus, c'est au pied et tout, c'est terrible. Ça fait c'est une douleur. Et si tu tapes le coin où t'as le truc de l'orteil, tu peux pleurer. Ouais, c'est horrible. Pleurer, les amis. Pauline. Ah, moi, la crampe au mollet, la nuit, Je me réveille, ça me fait tellement mal. Moi, ça me fait des crampes, mais je pense que je manque de magnésium. De sel. Ouais, ou de sel. Ou de sel. Et prends du sel au magnésium. C'est ça, voilà. Et non, je panique et je me dis, je vais appeler les urgences parce que je me dis, je suis en train de perdre. Pour une crampe, attends. Je suis un peu peureuse en termes général. Et après, je relativise. Mais c'est une douleur, mais tellement violente, cette crampe. Il y a une douleur qui est insupportable, qui est toute bête, qui est la nuit. C'est quoi? C'est quand il y a une plume qui sort du matelas ou de l'oreiller, là. C'est horrible. Vous voyez? Et qui sort, on dirait, mais c'est un couteau, ce truc. Non, c'est un poignard. Non, non, mais c'est mis en tête de venir te rentrer pile là où c'est pas bien, quoi. Ouais. Tu n'as pas ça, Clément? Jamais de la vie. Je vois pas du tout ce que c'est. Ah non, la petite plume qui sort, qui vient là, on dirait un couteau, quoi. Oui, Laure. Il faut avoir des oreillers en plume. Eh ben oui. Ah oui. Je tente directement sur des animaux et le bec fait mal. Moi, je me suis fait un truc horrible hier. Je me suis brûlé avec une goutte d'huile. Regarde. Ah, genre une friteuse ou quoi? Ouais, exactement. Je suis en train de faire du thon. Et ouais, vous voyez, les femmes, vous êtes beaucoup plus résistantes que les hommes parce que les douleurs dont vous me parlez, pour moi, c'est plus des petites douleurs. Ouais, bah t'as vu. Pour moi, c'est genre, ces gens, on veut me faire parler et me demander où est Jean Moulin. Ça me fait très peur. Mais alors, moi, c'est rien que les petites douleurs de rien du tout. Mais moi, c'est un enfer. Rien que quand vous prenez l'apéro, vous mangez un 3D. Vous voyez les 3D, les petits apéros, et vous le plantez dans le palais. Ah, ça, c'est terrible. Et tu fais, oh, je le prenais. Horrible. Ah ouais. Et tu continues d'acheter tes 3D quand même. T'es idiot, hein, Nico du bureau. Tu sais, il y a certaines chemises, il y a l'étiquette qui est en bas à droite, à l'intérieur, vers la hanche. Non, mais ça, c'est insupportable. Et donc, il y a le petit bouton et il y a le fil du bouton qui te pique. Tu sais, le fil du bouton, mais déjà, pardon, hein, notamment Zara, les étiquettes, les chemises et les t-shirts. Calmez-vous maintenant. On dirait la générique de fin d'un film. Merci tous les gars qui ont participé à l'atelier. Merci encore à Yasmine, atelier aux coutures, bien sûr. Jean-Pierre pour les boutons, assisté de Adrien, son stagiaire. Qu'est-ce qu'il y a tant à mettre sur une étiquette? En vrai, qu'on ne lit jamais. Jamais. Qu'on ne lit jamais. C'est-à-dire, tu demandes à ta mère comment il faut le laver. C'est tout, quoi, hein, Nico. Mais surtout, en plus, il y a le truc pour les pointillés, pour couper. Mais qu'est-ce qu'on fait là directement, en fait? Des étiquettes pareilles. Je vous l'ai déjà dit, il y a quand même un truc incroyable sur les étiquettes. Vous savez que les étiquettes Made in Taiwan sont fabriquées en Chine. Ah, ouais. C'est pas une blague, c'est pas fou. Oh là là. Tu sais qu'il y a une marque qui a sorti des étiquettes comme ça, il y a marqué mode de lavage, demande à ta mère. Séverine, ma chérie, est là au 39-16. Est-ce que toi aussi, pas parfois, une petite douleur de rien du tout, mais tu la supportes pas? Salut ma belle. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Alors moi, oui, alors quand je me baisse pour faire mes lacets et que je m'enlève trop vite, ça me donne des vertiges et pendant 5 minutes, ça me donne des migraines comme c'est pas permis. Ouais. Ouais. Des migraines et tout? Oui, quand tu te lèves trop vite. Moi je parlais de douleur, genre quand tu téléphones, tu enlèves ton téléphone et il y a un petit cheveu qui est resté dans l'écouteur. C'est non, parce qu'on n'est pas en train de parler à une jeune fille qui a des vertiges quand elle se relève, genre c'est grave, et moi tout le monde fait c'est horrible, le cheveu coincé dans l'oreille. Oui, Pauline. Non, mais je vois ce qu'elle veut dire, en fait, c'est quand le sang remonte à la tête, c'est hyper violent. Et nous, les filles, il y a des périodes dans le mois où on est plus. Plus on est plus vulnérable. Voilà. Ah, ces moments-là, un petit tournis, quoi. D'accord, un petit tournis côté. Oui, bien sûr. Pour les garçons, c'est le moment où il faut surtout pas demander à sortir avec vos potes. Cette période-là de l'année où il faut pas trop embêter les femmes. Henri, mon bichon, est là aussi au 39-16. Salut Henri. Bonjour Camille, salut l'équipe. Salut. Poto, dis-moi tout, toi aussi t'as des petites douleurs. Les garçons, en général, c'est moins que les filles. Bah écoute, alors moi, la grosse douleur, alors vraiment, mais c'est vraiment horrible, donc serrer les dents, c'est quand on prend un livre tout neuf, tu tournes les pages et là, tu te coupes sur la page. C'est horrible. Et alors là, c'est absolument atroce. Moi, écoute, c'est simple, je me suis cassé déjà les deux bras, c'est pire ça. Mais oui. C'est pire, alors après si t'as la lingette parce que t'as mangé des crevettes, je peux te dire que là, c'est une vraie galère. Tu peux devenir légionnaire, tu peux t'inscrire à l'armée, pas de soucis. Ah ben je sais. Mais les garçons, vous avez vu, comme nous, c'est des petites douleurs et vous des énormes, les filles. Restez avec nous sur Virgin Radio. On va revenir dans un instant. Le pop rock électro de Kungs qui débarque dans le Virgin Tonic, dans Tuno. Plein de choses encore à parler avec vous. Je vais vous dire aussi comment gagner 50 ans de loyer, le plus gros chèque jamais fait par une radio en France. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un temps très mitigé aujourd'hui en France. Beau temps sur le nord-est, mais de la pluie sur la moitié sud. Il n'y a plus d'alerte météo sur la façade atlantique, mais 7 départements en vigilance dans le sud. Risque d'inondation sur l'Ardèche, l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault et le Gard. Une vigilance aux orages sur les Bouches-du-Rhône et sur le Vaucluse. Les orages justement qui ont provoqué des chutes d'arbres, des arrachages de lignes ou encore des départs de feu. Quelques 120 000 foyers sont encore privés d'électricité ce matin des Pyrénées au sud de la Manche. Dans l'actu sociale, plusieurs appels à la grève. D'abord celui des infirmières, invitées à descendre dans la rue ce mercredi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Les infirmiers sont touchés actuellement par une vague de suicides avec la mort prématurée de 5 professionnels depuis la mi-juin. Grève et mobilisation aussi aujourd'hui des salariés d'EDF contre la fermeture prévue pour 2018 de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. Et puis le début ce soir des débrayages à la SNCF jusqu'à vendredi matin. Le coup d'envoi aux grèves prévues ce jeudi contre la loi travail. Le gouvernement se donne 10 jours pour solutionner le dossier Alstom. L'avenir du site de Belfort est toujours incertain. La direction menace de le fermer avec 400 emplois à la clé. Une affaire délicate à 8 mois de la présidentielle. Du coup, l'État a demandé à la SNCF de privilégier Alstom pour ses prochaines commandes de trains et de RER. L'Harmony of the Seas pourrait reprendre la mer dans la journée. Le plus gros paquebot du monde est à quai ce matin à Marseille. Pour les besoins de l'enquête, un canot de sauvetage s'est détaché hier lors d'un exercice dans le port. Un mort, 4 blessés parmi les membres d'équipage. À l'étranger, Shimon Peres hospitalisé d'urgence en soins intensifs. Âgé de 93 ans, l'ancien président d'Israël et prix Nobel de la paix est dans un état grave après un AVC. Une partie de son cerveau a été touchée. Les médecins ont décidé de ne pas l'opérer pour le moment. On passe au sport avec en foot un début difficile pour le PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens n'ont pu faire mieux qu'un match nul, un but partout contre Arsenal sur la pelouse du Parc des Princes. Avec en prime l'expulsion de Marco Verratti à la 93e minute, le PSG envisage de faire appel. Parmi les autres matchs de la soirée, le 7-0 du Barça face au Celtic Glasgow avec le premier triplé de la saison pour Lionel Messi. Par ailleurs, le Bayern Munich s'est imposé 5-0 sur le FC Rostov. Ce soir, la suite de cette première journée de Ligue des Champions. Lyon reçoit le Dynamo Zagreb et Tottenham accueille Monaco, deux matchs à partir de 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil avec nous. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic. J'ai fait un clap-clap de trop. Et alors l'équipe, elle est payée pour deux clap-clap. N'attendez pas qu'ils en fassent trois. Les Gougnafiers. Laure la Gougnafier. Salut Gougnafier. Clément la Gougnafier. Salut. Et puis la Pauline, bien sûr. La pas PDG Gougnaf. De la Gougnaf. La Gougnaf de père en fils. Et ça fera un bon mot de traiteur. Bienvenue à tous, bienvenue chez la Gougnaf. Famille Gougnafier. Spécialité pied paquet, bien sûr. Les amis, il y a plein de choses qui vont arriver dans l'émission. Déjà, vraiment, et ça, je le pense, c'est sincère, on peut pas être plus sincère. Merci à vous tous de nous être fidèles depuis maintenant plus de 2 ans. Merci d'être si nombreux, de parler bien autour de vous de l'émission. Voilà, il y a plein de gens qui nous rejoignent tous les matins. Rien peut nous faire plus plaisir. Et pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier d'être si nombreux à nous écouter, on voulait vous faire le plus beau cadeau que les meilleurs auditeurs de France méritent. Ils méritent le plus beau cadeau de France. Mais oui. 50 ans de loyer. J-2. Et je vais vous dire, vous le méritez ce cadeau. Aucun chèque d'une valeur pareille n'a jamais été fait par une radio en France. C'est le plus gros. Et vous le méritez, vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous jure, je le pense. 50 ans de loyer. Vous avez un loyer de 970 €. Ou une, je précise, les propriétaires, ça marche aussi. Une mensualité de crédit de 970 €. Eh bien, je vous ferai un chèque de 582 000 euros vendredi matin, le 16 septembre, J-2, à 8h20. Alors, qu'est-ce qu'on fait de 582 000 euros? J'ai fait mes petits calculs. Ouais. Et je bosse en amont. Tu peux offrir 447 700 roses à ton ou ta chérie. Ok. D'accord. Tu peux faire poser 5820 m² de parquet flottant. Ça, c'est trop bien. Ça fait beaucoup de parquet flottant. Ouais, c'est un grand appartement. Bah ouais, c'est vrai. Tu peux manger 12 300 000 Frieden White Montfort. Ah, non. Ouais. Mais si t'as mauvaise haleine, c'est bien. Ouais, mais tu sais pas envoyer une boîte ou deux pour Nico du bureau. Ouais. Bah ça va, quand même. Et tu peux utiliser, tiens, en coton-tige, 85 430 000 coton-tiges. Ah, ok, faut avoir beaucoup d'oreilles. Comment ? Il faut pas le coton-tige, il faut du spray. Ouais. C'est mieux le spray. Bah, j'ai pas fait le calcul avec le spray. tu me mets dedans. On dirait, je suis hyper embarrassé. Cougs, voilà ce qui arrive dans un instant. Restez avec nous sur Virgin Radio. Bien sûr, c'est loyaux 7 12 13 pour vous inscrire. Prochain tirage, 7h20. Et tout de suite, c'est la question de ouf. Question de ouf. Eh oui, on adore ce moment. Quand vraiment c'est vous qui nous faites marrer, on a simplement ouvert un répondeur et on écoute les meilleurs messages laissés tous les jours, Clément. Et aujourd'hui, c'est un truc que t'adores, Camille, les citations. Quelle est votre citation préférée ? Bien, moi, mon proverbe préféré, c'est « Quand on crache en l'air, ça vous retombe souvent sur la tête. » N'allez là où... non, c'est pas ça. Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes. Tirer et pousser. N'allez pas là où le chemin peut mener. Elle est là où il n'y a pas le chemin. Merde. Alors moi, mon proverbe préféré est mythique. Hein. C'est le piment, c'est comme l'autoroute. Tu le payes toujours à la sortie. Heureux l'élève qui, comme la rivière, suit son cours sans quitter son lit. Mais moi, j'ai jamais réussi. Alors ma citation, c'est qu'au boulot, il faut toujours se donner à 100%. Par exemple, lundi, je suis à 30, mardi, je suis à 10, mercredi, 20%, jeudi, 30%, et vendredi, je retombe à 10%. Un geek ne tombe jamais malade, il a son antivirus. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin, et laissez une trace. Ah ben voilà, quand on veut, on peut. Question, question de ouf. Merci Clément, moi et ma mère c'est la reine de ça, mais elle mélange les citations. Ouais. C'est, faut pas pousser mémé dans un vieux singe. Ouais, et la préférée, j'arrive, mais ma mère, mais je sais, c'est du Baudelaire. C'est tu me tires une fière chandelle du pied. Oh, c'est trop mignon. Ah j'adore ma petite maman. Bon les amis, Koongs tout de suite dans Tuno, excellent réveil, vous êtes dans le Virgin Tonic. Let's go! Salut c'est Koongs dans Virgin Tonic. Tonic. C'est le 14 septembre, bienvenue à tous. J-4 avant mon anniv. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Très très très heureux d'être avec vous. L'équipe bien sûr, Laure, Clément, Pauline. Puis l'équipe c'est vous tous surtout qui êtes derrière votre radio, dans la voiture, peut-être encore sous la douche, qui nous appelez au 3916, qui réagissez sur les réseaux. On est tous ensemble le matin. Il y a un truc que j'ai pas encore fait. Alors si vous êtes des fidèles, vous le savez, j'aime bien vous dire ce qu'il y a à la télé ce soir. Ah oui, c'est vrai. Et le commenter. Mais ce soir c'est particulier. Ah bon, pourquoi? Bah oui, parce que ce soir il y a mon émission préférée qui revient. La preuve des prefs. Pas la preuve des prefs, mais une des prefs. Les experts. Non. Déjà, non, je sais que c'est pas ça, ma chérie. Des racines et des ailes, peut-être. Mais il y a des experts, il y a des racines et des ailes. Qu'est-ce qu'on a? Il y a du foot encore. Ouais, oui, Ligue des Champions, Monaco. Ah, c'est bon. Eh oui, on adore. Ouais. Une de nos préférées, c'est, je l'adore aussi. Bah oui. M6, cauchemar en cuisine. Bah oui. Oh, les amis, j'adore. J'adore vraiment. Alors moi mes parents j'ai grandi mes parents ont eu des restos depuis que je suis né. Ils sont restaurateurs, donc ça me parle et tout ça machin. Et donc c'est vrai que c'est une émission qui me passionne. Ah ouais. Mais comme un homme. Ah ça m'en fout ça. Oh là là là là là là. Ils m'ont fait découvrir des trucs de dingue, mes parents. Comme quoi? Mais il y a plein de choses que j'aimais pas petit que grâce à eux j'adore. Ah oui. Je suis sûr que c'est votre cas aussi. Y a pas du tout que vous détestiez petit. Si. Ah, aujourd'hui si. Vous adorez. Si. Moi c'est pas grâce à acheter, mais c'est vraiment grâce à mes parents, hein, Clément. Bon la ratatouille, mais le nom me faisait flipper. Mais c'est trop bon la ratatouille. Je détestais ça et ça me faisait peur quand j'étais petit. Puis un jour j'ai compris que tout ce qui est dedans, bah, séparément j'aimais bien le poivron, les courgettes, les aubergines. Oh. Et du coup depuis j'adore. Ah non mais les amis, alors moi il y a peu de, j'aime pas les légumes. C'est très dur de me faire manger des légumes. Ma chérie l'a compris, mais ma chérie me fait ratatouille ou brouillade. Allez, c'est quoi brouillade? Brouillade, les œufs concassés là, tac, avec de la tomate. Magnifique. Ah non, les amis. Ah non, c'est trop bon ça. Je connais pas. Ah ben oui, Nico du bureau. Il paraît que la ratatouille, c'est meilleur le deuxième jour. Ouais. Ah, exactement. Exact. Mais c'est vrai que le nom fait peur un peu au début. Oh, moi, la ratatouille, c'est moche. Il y a le mot rat quand même dans un truc de nourriture, tu vois. Ouais. Bah oui, Pauline au standard. Mais depuis qu'il y a eu le film Ratatouille, les enfants, ils adorent la ratatouille. Ouais. Moi, je sais que mon neveu, tu lui donnes de la ratatouille, il fait ah oui, comme dans le film et tout. Oui, c'est normal. Oui, ça a marché. Bien sûr, ils adorent les Nemo aussi. Ouais, sont Nemo, ils adorent. Oui. Les évidemment, ils adorent Cars, les voitures. Ils adorent, ils les mangent aussi. Ils adorent monter dans les cars, maintenant dans les bus. Alors, est-ce qu'il y a un aliment que tu détestais petite et aujourd'hui tu adores? Je vais vous demander aussi au 39-16, essayez de réfléchir à ça alors. Oui, les cœurs de palmier, je détestais et c'était horrible parce que ma mère elle faisait un espèce de truc genre cœur de palmier, maïs, mayonnaise c'est et je restais. Pardon, c'est quoi un cœur de palmier? Ok, c'est pas possible. Cœur de palmier, c'est. Artichaut? Non, cœur de palmier, vraiment. Hein, c'est... Mais quoi, du palmier? Bah oui, c'est le cœur en fait. Ça ressemble à un tube, ça ressemble à tout comme sauf un cœur de palmier. C'est un donc... cœur de palmier? Oui, je connaissais le cœur d'ananas, je connaissais. Le cœur de pirate. Cœur de pirate, c'est pas cœur de palmier. Bah voilà, maintenant tu connais, je te ferai goûter. Donc c'est hyper bon en fait. Maintenant j'adore, j'en fais à ma fille tout le temps et tout, elle adore. Mais ma mère, elle me force à rester à table pour finir. Donc je pouvais rester jusqu'à 22h quoi. Mais pourquoi vous tuez des palmiers pour manger ça? Mais on ne tue personne, Ah non, je connaissais pas, on me montre l'image en même temps, peut-être que vous connaissiez pas non plus. Ah, je connais pas du tout. C'est un peu comme de la salade, non, c'est ça? Ah non, je connais pas du tout. Ouais, Pauline au standard. Moi je peux, alors tu sais, c'est en conserve. Et je peux en manger une boîte entière toute seule. Quand je suis déprimée, ça me remonte le moral. C'est trop bon. Il y a ça. C'est marrant parce que moi, c'est moi qui ai le moral et c'est toi qui me déprime. Parce que, quand même, me dire, quand j'ai pas le moral, je vais ouvrir une boîte de conserve de cœur de palmier et la manger tout seul chez moi. J'ai jamais rien entendu d'aussi triste de toute ma vie. Lisa, tiens, au 39-16, est-ce qu'il y a un aliment? Je suis sûr que t'es comme nous, tiens, c'est marrant. Hein. Je suis sûr que t'es comme nous, il y a un aliment que tu devais détester petite que t'adores maintenant. Salut, ma belle. Eh ben oui, c'était les carottes. J'entendais tout le temps. Mange, ma chérie, t'auras les cuisses roses. Ben maintenant que j'ai compris, j'en mange plus. Hein. Tu vois, c'est... ça marche. Ben moi, carottes, voilà, légumes, je peux manger même les petites carottes, la croquer dedans direct. Ouais. Mais j'adore. C'est ma passion. Ah oui, attends, c'est trop bon, j'adore ça. Oui, Laure. Mais moi, par contre, on me disait ça rend aimable pour que j'en mange. Et ça n'a pas marché. J'en ai pas mangé. Les cuisses, j'ai pas vu. En revanche, l'amabilité, on n'y est pas, je crois. Merci, ma petite Lisou. Je t'embrasse très, très fort. Reste avec nous sur Virgin. Votre loyer, loyer 7-12-13 à gagner dans un instant. Et puis Adèle, Send My Love. Voilà ce que vous allez entendre dans le Virgin Tonic. Ça, c'est pour le pop rock électro. Ne bougez pas, on est là jusqu'à 9h. Tous les matins, de 6h à 9h. C'est le Camille. Bravo. Et on fait quoi maintenant? Sers-toi de ton appli Direct Assurance, voyons. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Alors oui, vous avez eu un petit accident, mais non, vous n'allez pas perdre votre bonus 50. Alors on se calme, on va régler ça ensemble. Bravo. Si vous avez un bonus 50, chez Direct Assurance, vous le conservez même en cas d'accident responsable. C'est votre appli banque qui va être contente. En plus, en souscrivant chez Direct Assurance, vous pouvez économiser en moyenne 270€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Conditions sur le site. Fait demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 175€ par mois. Portes ouvertes du 16 au 19 septembre selon autorisation. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km après un premier loyer de 2100€. Offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses 3 enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin. coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Darren, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs, compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur Beansport. Avec ce soir, Olympique Lyonnais, Dynamo Zagreb, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Le mois Carrefour. Pendant le mois Carrefour, il y a des deals du jour complètement renversants. Oh, regarde! Aujourd'hui, le téléviseur LED HKC 61 cm est à seulement 99,90€ au lieu de 129. Alors là, j'en crois pas mes yeux. Wow. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, dans les hypermarchés Carrefour et sur carrefour.fr, le téléviseur LED HKC 61 cm est à seulement 99,90€ au lieu de 129. Référence EH24H4, garantie 2 ans. Carrefour. Intersport. Chérie, je me suis offert 3 pantalons effet ventre plat chez Intersport, alors cette semaine t'es tranquille. Ah ce bon soir, pantalon 3 carré fitness, demain jazz pant et danse avec Caro, ah ouais, et vendredi, caleçon long, corde à sauter. Mais on se voit quand? T'as un caleçon effet ventre plat, toi? Voilà. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les pantalons Energetics effet ventre plat 3 coupes au choix sont à partir de 19,99€. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Le magique anniversaire de But, c'est en ce moment. L'aspirateur Treno Dyson est à 239,99€ au lieu de 439,99€. 200€ de moins sur un Dyson dont 40€ en bon d'achat. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. Chérie, tu passes l'aspirateur? Ah bah non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je vais chez But. Oh bah oui. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo, Virgin Radio. Avec 7 départements en alerte ce matin dans le sud de la France, un risque d'orage violent sur le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, une vigilance aux fortes pluies et aux inondations encore sur l'Ardèche, l'Hérault, la Lozère, le Gard et l'Aveyron. Enfin, du soleil sur les Hauts-de-France et le grand quart nord-est. 20 degrés cet après-midi à Bordeaux. Vous aurez 21 à Cherbourg, 22 à Nîmes et à Perpignan, 23 à Brest et à Nantes, 24 à Rennes, 26 à Nice, 27 degrés à Lyon et à Valence, 28 à Chambéry, 31 à Lille, Senlis, Paris et Strasbourg. La maximale 32 pour Nancy. Bon réveil. Dans deux jours, à 8h20, Camille Combal va changer votre vie en vous offrant le plus beau des cadeaux jamais offert. Une seule question. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Une seule réponse. C'est Virgin Radio. Et Camille Combal vous paiera 50 ans de loyer. Wow. Oh là là, ah, c'est pas vrai. C'est pas possible. Pas de loyer à payer pendant 50 ans. Oh, impatient de vous offrir ça, les copains. Dans deux jours, à 8h20, pour être le grand gagnant des 50 ans de loyer. Maintenant, c'est 12-13. Code loyer. Les amis, ce SMS va peut-être changer votre vie. Koums au 88 000. Venez danser sur This Girl de Koums versus Cooking on Three Burners. Envoyez Koums, K-U-N-G-S, au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de Koums, en sonnerie. Koums au 88 000. Abonnement 3€ par semaine, DGP. Virgin Radio. Virgin Radio. La web radio 100% rock. Virgin Radio Rock. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Tout de suite, votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous, soyez bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 9h à vos côtés et on a 3 tirages au sort pour le loyer. C'est 6h20, 7h20 et 8h20. C'est chaque matin, bien sûr, qu'on fait 3 euros. 3 euros à qui on rembourse un mois de loyer, quoi, à qui on rembourse un mois de mensualité de crédit. Et c'est parti, 6h20, on a eu Cécile. Oui, oui. Il y a une heure à peine. Elle était contente comme tout. Très contente. À 6h20, mais les copines derrière qui étaient comme des dingues qui hurlaient. J'espère encore vous faire plaisir maintenant. Il faut que ça décroche, on n'a pas le droit de vous rappeler. Il faut vraiment décrocher. Vous décrochez, vous répondez Virgin Radio et c'est gagné pour vous. Bonne chance, bonne chance. Et même si là, vous êtes déçu, vous n'êtes pas tiré au sort tout de suite, rassurez-vous, votre SMS, il n'est pas perdu. Je vous explique ça dans 2 secondes. Allô? Oui. Bonjour, qui est là? Bonjour. C'est Anne. Salut Anne, je t'entends très mal. C'est vrai pourtant, Tu parlais tout doucement, t'étais un petit peu timide. Tout va bien? C'est parce que oui, je suis au travail en fait. Ah mais je comprends. Alors ma chérie, on va pas t'embêter longtemps, t'inquiète pas. N'hurle pas, même si tu vas être très heureuse. En tout cas, c'est tout mais ce que je te souhaite. Je crois que je reconnais la voix, ouais. Eh ben écoute, j'espère, en tous les cas, tu vas être heureuse. T'inquiète pas, t'es pas obligée d'hurler, sois tranquille. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oh, c'est Virgin Radio. N'effrayez pas, n'effrayez pas les collègues. Ouais. Ma chérie, ne le dis pas trop, sinon tu vas être obligée de payer le resto à midi. Tu ne dis rien à personne, tu passes sous les radars, tu te la joues en catimini, tu fais pas en catigueta, tu restes humble, okay, tu fais en discret de fou. Tu dis rien à personne dans le bureau, mais on va te payer ton loyer. Il est de combien ton loyer, ma belle? Dans les alentours des 660 et quelques, ouais. 660 et quelques, eh ben ma belle, je te l'envoie où le chèque? Sur Reims. Sur Reims, très bien. Eh ben, tu sais quoi, je t'envoie ton chèque de, allez, on va dire 670 euros dès cet super après-midi, c'est gagné. Et puis toi, là, Anne, au bureau. Ouais. Et puis tous les autres, je vous l'ai dit, hein, votre SMS n'est pas envoyé pour rien. Il vous a automatiquement enregistré. Et si c'est le dixième, sachez que vous êtes enregistré 10 fois pour le tirage exceptionnel de vendredi matin, J-2. Ah ouais, super, c'est cool. Loyer, J-2. Anne, ma chérie, est-ce que toi, à titre personnel, t'as déjà fait le calcul? Pas du tout, j'ai pas fait le calcul. Déjà que ça fait plus d'un an que je joue, je pensais pas là gagner rien qu'un mois. Donc non, j'ai pas du tout calculé. Là, je sais pas trop ce qui m'arrive. Eh ben oui, il faut persévérer. Et parfois, on a aussi des gens à l'antenne. Ils disent c'est la première fois que je m'inscris. On a plein de nouveaux auditeurs tous les jours. Parfois, en une fois, ça marche. C'est c'est le principe du tirage au sort. En tous les cas, Anne, c'est récompensé. Et si je t'ai au téléphone vendredi, grâce au même SMS que tu m'envoyais, je te ferai un chèque de 402 000 euros. Oh là là. Ça serait super. En plus, tiens, je suis née le même jour que toi. Le 18 septembre. Ouais. Ah, mais génial. On le fêtera ensemble. Super cadeau. Ouais, c'est ça. Alors, vierge? Eh oui, c'est ça. On l'a jamais faite. Ascendant quoi? Balance. Ah, moi aussi. T'es vierge ascendant balance? Non, je suis ascendant balance. D'accord, super. Et même ça, j'ai quand même au téléphone quelqu'un qui est le même jour que moi, elle arrive quand même, elle se le ramène. C'est quand même fou cette fille, Laurent. Incroyable, Laurent. Anne, ma chérie, je te souhaite d'un par avance un bel anniversaire si je t'ai pas au téléphone vendredi. Toi aussi. Mais j'espère vraiment t'avoir au téléphone comme vous tous qui m'écoutez. Quoi qu'il arrive, on aura un gagnant pour ses 50 ans de loyer vendredi matin. Et tiens, tout de suite, c'est Adèle. Vous l'adorez ce morceau, moi aussi. Send my love, tout de suite sur Virgin Radio. Hi, I'm Adèle and you're listening to Virgin Radio. Send my love. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. sur Virgin Radio, c'est mercredi le 14 septembre. Vraiment beaucoup, beaucoup de courage à vous. Bientôt 7h30. Je sais qu'à cette heure-là, hein, vous êtes encore un peu sous la douche, mais quand même, vous êtes très, très, très nombreux à vous occuper de vos enfants, à être déjà en voiture pour le travail, pour les déposer à l'école. En tout cas, nous, on est là à 6h, 9h à vos côtés avec l'actu qui arrive à 7h30. Puis le réponse à tout de Clément Lincrus. C'est à 7h35, juste après, comme tous les matins. Et je voudrais qu'on continue de parler de quelque chose. Oui. Si vous voulez bien l'équipe, oui. J'ai ce petit truc en tête qui trotte depuis tout à l'heure. Oui. Puisque on parlait ensemble un peu par hasard des plats qu'on détestait enfant et qu'on aime bien maintenant. Les carottes, on a dit les cœurs de palmier, les artichauts, les choses comme ça. Mais je me suis dit, il y a plein de choses en fait qu'on n'aimait pas avant, enfant, il y a quelques années, et que maintenant on ne pourrait plus s'en passer. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'est il y a un an, on l'a découvert et aujourd'hui c'est mais en passion absolue. C'est bon. Moi quand j'étais petit sur la cour d'école, je détestais que les filles me courent après, m'attrapent pour me faire des bisous et tout. Et aujourd'hui j'adorerais que ce soit pareil quand je vais en soirée. Ah ouais. C'est bizarre, oui. On change. Change, je suis d'accord. Moi c'est les mots flichés. Ah bah. T'aimais pas ou t'aimes bien maintenant ? Je n'aimais pas. En fait, c'est pas que j'aimais pas, c'est que dans ma tête, si on jouait pas à ça, c'est ma grand-mère qui jouait à ça. Et je vous arrête pas d'en parler. Pas cet été, j'en ai beaucoup joué, mais l'été dernier, je m'embêtais sur la plage. J'y jouais. J'ai passion absolue pour les mots fléchés. On vieillit. Sudoku, j'accroche pas. Non, moi non plus. J'accroche pas. Trop compliqué. Jugez pas. Ne me jugez pas. J'accroche pas. J'accrochais pas avec les maths. Mais alors, le mot fléché, ma passion. Ginger sur les réseaux. C'est un peu comme le Scrabble. Pour moi, c'est un souvenir du dimanche après-midi où je m'ennuyais avec mes frères pendant que mes parents jouaient. Et aujourd'hui, j'adore ça. Je l'ai sur mon téléphone et tout. Je joue avec ma grand-mère. C'est génial. Eh ouais, c'est génial. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Tu parles de mots croisés. C'est pareil. Je suis d'accord. Mot fléché. C'est pas pareil. Mot croisé, c'est pas que c'est moins bien, c'est que je suis nul. Ah, d'accord. Mot fléché, c'est un peu plus simple et je m'en sors. Un truc que vous n'aimiez pas. Enfant ou même il y a encore un an, vous ne pouvez pas vous en passer aujourd'hui. Je vais vous demander dans un instant au standard, Nico du bureau. Non, moi je voulais juste te dire que les mots fléchés, j'aime que ceux où il y a les images en fait, sinon j'y arrive pas. Ah oui, c'est vrai. Tu sais quand il y a c'est bien démarré. C'est bien démarré sur Gérard Depardieu. Ouais. Ça te lance. Ouais. Ah, ça te lance. Oui, alors. D'ailleurs, mes préférés, c'est ceux de voici parce qu'il y a trois photos. Ah, il y a trois photos. D'accord. Il y a des mots quand même à trouver. Oui, point trop d'infos. N'importe quoi. Les amis, on va prendre Charles au 3916. Salut Charlou. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut Charlou, est-ce qu'il y a un truc que tu ne connaissais pas il y a quelques temps, maintenant t'adores? Eh ben moi c'était la sieste. Tu vois, quand j'étais gamin, on m'obligeait à faire la sieste et tout. Ouais. Et puis moi je voulais pas, je voulais aller jouer, tu vois. Et maintenant, mais j'en rêve. J'en rêve tous les jours, entre midi et deux, mais j'en rêve de faire la sieste. Moi je peux pas pour une raison simple, mauvaise humeur. Ah ouais? Ah bon? Mauvaise humeur. Quand tu te réveilles. Je suis un gars pas de sieste, je me réveille, c'est malheureux, hein, alors que ça me fera peut-être du bien après dans la journée, mais je me réveille, mauvaise humeur absolue. Laure. Faut pas la faire trop tard, la sieste. Et puis d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils inversent pas, pourquoi on met pas la sieste au travail, puisque c'est le moment où on en a envie, et pas la sieste à l'école. Ah ouais, c'est pas bête. Comme ça, c'est que la sieste au travail, faut pas le faire, hein. Ah bon? Non, mais on pourrait l'instaurer. Ouais, on pourrait, ouais, mais après ça perdrait plus le travail. C'est le problème, Clément. Non, mais il faut faire soit 20 minutes, soit des cycles d'une heure et demie. Et j'avais ça aussi, maintenant Il y a une heure et demie, vous me faites marrer. Une heure et demie de sieste, c'est mais pas non, une mais sieste. Mais non, mais même tes nuits, tu fais une heure et demie et tu te réveilles toujours de bonne humeur, tu verras. Ah bon? Ça marche tout le temps. Les quelques fois où j'ai dormi qu'une heure et demie, je me suis surtout réveillé bourré. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Charlou, merci d'être avec nous au 3916, les copains, restez là. 7h30, on retrouve tous nos journalistes, plus de 60 en France, pour vous faire l'actu. Et nous, on n'est pas loin, on revient là dans une poignée de secondes avec vous jusqu'à 9h. Pour 139€ par mois, ne dites plus jamais. Allô? Oui, j'arrive dans 10 minutes. Je suis garé un peu loin. Smart for Two, garez-vous enfin, là où vous allez. Smart for Two, 45 kilowatts pur à partir de 139€ par mois. Offre LLD 48 mois, 40 000 km, sans apport, sans assurance, sous réserve d'acceptation par Mercedes-Benz Financement. Valable jusqu'au 30 septembre 2016. Détails sur smart.com. Smart. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. 7 départements en alerte ce matin dans le sud de la France. Un risque d'inondation sur l'Hérault, le Gard, l'Aveyron, la Lozère et sur l'Ardèche. Le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont eux en alerte aux orages. La vigilance a été levée sur les départements de l'ouest du pays. Et ce matin, ce ne sont pas moins de 120 000 foyers qui restent privés d'électricité. Après les intempéries de ces dernières heures, de grosses inondations et des arrachages d'arbres et de câbles du Pays Basque jusqu'au sud de la Manche, en passant par la Bretagne également. Fortement touché. Le coup d'envoi ce soir de la grève à la SNCF, un mouvement qui rejoint les appels lancés pour la journée d'action prévue demain contre la loi travail. Des perturbations à prévoir également dans l'aérien. Grève aussi aujourd'hui des salariés d'EDF opposés à la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et puis un mouvement social ce mercredi des infirmières pour dénoncer la dégradation des conditions de travail alors que la profession est touchée par une vague de suicides. Le lancement aujourd'hui d'une campagne de sensibilisation pour apprendre les gestes qui sauvent, bouche à bouche, massage cardiaque et autres positions latérales de sécurité. La campagne de formation au premier secours est pilotée par la Fédération des sapeurs-pompiers, par la Croix-Rouge et la Protection civile. Tous les élèves de 3e ainsi que les délégués de classe de tous les niveaux vont être initiés au secourisme. Les Français sont fous de bon bec. La consommation de bonbons fait des bons. Nous en découvrons en moyenne quelques 3,5 kg par an et par personne. Chiffre en hausse de 2% au premier semestre de cette année. Et ce sont les bonbons qui piquent et qui connaissent désormais le plus de succès. Un mort et 4 blessés parmi les membres d'équipage du Harmony of the Seas. Un canot de sauvetage s'est décroché du plus gros paquebot du monde hier lors d'un exercice de sécurité dans le port de Marseille. Plusieurs enquêtes ont été lancées par les gendarmes maritimes, par l'inspection du travail ou encore par le centre de sécurité des navires. À l'étranger, Shimon Peres hospitalisé dans un état grave en Israël à 93 ans. Le dernier des pères fondateurs de l'état hébreu encore en vie a été victime d'un AVC. Il est dans un état grave en soins intensifs. Une belle exclue musique aujourd'hui sur Virgin Radio, le groupe Justice qui va lancer son tout nouveau single baptisé Randy. Il sera à découvrir en exclu ce soir à 20h30 précise sur Virgin Radio. Le titre ne sera dispo en streaming et téléchargement qu'un peu plus tard dans la soirée. Justice, l'un des plus gros groupes français reconnus dans le monde avec déjà plus de 2 millions d'albums vendus. Et puis du football, PSG Arsenal, un partout, cadre, Cavani, cadre. Eh oui, et puis suite de cette première journée de Ligue des Champions, Lyon et Monaco sont ce soir sur la pelouse à 20h45. Voilà pour l'actu, très bon réveil avec nous. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Merci de nous joindre, excusez-moi. Hein, peut-être tout juste à l'instant. On est très heureux d'être là, 6h, 9h. Courage à ceux en voiture, courage à ceux dans les transports. J'encourage tous les chauffeurs de bus à mettre Virgin Radio. Oui, ça nous fera plaisir. On vous offre un beau cadeau. Vous êtes chauffeur de bus, vous mettez Virgin Radio pour tous les gens qui prennent le bus le matin. Je vous offre un séjour Pierre et Vacances. Ah, sympa. Qui que vous soyez, chauffeur de bus, même le groupe Superbus, vous m'appelez tout de suite et je vous jure, hein, vous mettez Virgin Radio dans votre bus et vous partez une semaine en vacances, ce qui veut dire que pendant une semaine du coup vous ne mettrez plus Virgin Radio dans votre bus, ce qui veut dire que c'est pas malin, mais je vous l'offre quand même et ça me fait très plaisir. iPhone 7 aussi à gagner, ce sera avant 8h. On en a deux à offrir ce matin, on n'a pas réussi à le faire gagner hier. On a été très juste, le jeu a été perdu. Normalement on offre quand même le cadeau, mais là c'est un beau cadeau, vous l'espérez tous, donc on le remet en jeu. 3916 pour nous joindre, n'hésitez surtout pas. Et juste avant le réponse à tout et d'écouter Coldplay, j'aimerais qu'on parle d'une info. Oui. On va le faire version question pour un champion. Vous allez essayer de trouver la bonne réponse. C'est une étude sur le magazine Cosmo que vous connaissez très bien, les filles. Bien sûr. Elle nous dit que les femmes le font plus une fois mariées. L'amour. Selon vous, Clément. L'amour. Non. Non. La cuisine. Non plus. Ah. Pauline. Regardez les autres hommes. Eh ben non. Ah. Il y a un peu de vrai, plus personne ne buzz. Hein. Il y a un peu de vrai, faites le mix entre la réponse de Clément et la réponse de Pauline. Regardez les autres, donnent pas l'amour. Regardez des films X. Oh non, une fois mariés, les filles, les femmes, vous qui nous écoutez, visiblement, selon cette étude, vous regardez davantage de films X. 9% avant le mariage, 28% une fois mariés. C'est fou, Laure. Oui, surtout enceinte. Ah bon? Ça doit être les hormones. Bah oui, tu regardes. Les hormones. Et puis oui, tu en fais un peu moins l'amour. J'imagine quand on est enceinte, j'ai jamais été enceinte. Et j'imagine que c'est ça, Clément. Non, mais quand t'es enceinte, tu regardes comment les autres font les bébés, en fait. Ah, c'est voilà. Ça. C'est toi, tu l'as bien compris. C'est pas faux. Reste avec nous sur Virgin. Bah tiens, puisqu'il parle, il fait le malin. C'est parti, c'est à Clément, c'est son réponse à tout. Réponse à tout. Alors j'ai pas d'enfant, mais le réponse à tout, je descends dans la rue, je discute avec eux et là je leur ai demandé de me parler de leur coiffeuse. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous aimez pas chez le coiffeur? J'aime pas quand c'est de travers. il coupe nos cheveux et nous on veut pas. L'autre jour j'ai demandé à ce qu'elle me fasse un carré plongeant, sauf qu'elle m'a juste coupé les cheveux droits. Et alors c'est très joli? Non. Et quand ils font des petits shampoings, ça fait du bien ou c'est complètement nul? Ça fait du bien. Ça fait du bien? Toi, tu en penses quoi des shampoings? Mais j'en ai jamais fait. T'as jamais fait de shampoing chez le coiffeur? Jamais. Toi, t'en as déjà fait? Oui, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'elle dit toujours, la coiffeuse? Tu veux une sucette à la fin. Elle dit tu veux une sucette? Bah oui, quand on sort. Elle me dit jamais ça, moi, la coiffeuse. Qu'est-ce qu'il y a comme phrase qu'ils disent toujours les coiffeurs, tu sais? Vous voulez quoi comme coupe? Et tu réponds quoi? La coupe de l'Euro 2016. Celle du Portugal? Ouais. C'est eux qui ont gagné. Eh ben, génial. Réponse à tout. Merci les enfants pour toutes vos réponses. Oui, ma popo standard. Et Clément, on dirait Jacques Martin. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la coiffeuse? C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit, la coiffeuse? Jacques Martin, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faisait les après-midi de France 2. Et c'est vrai qu'il a interviewé, c'était le fameux École des fans. Et chaque fois, c'est énorme. Et on voyait, on n'a jamais vu le visage d'un père en entier. Il était toujours caché la moitié du visage par un caméscope énorme. On n'a jamais vu le visage d'un papa en entier. Clair. Restez avec nous sur Virgin, c'est Coldplay, c'est Hymn for the Wednesday. Fort de week-end, on est mercredi, c'est normal, on fait la version week-end, bon réveil. C'est mercredi 14 septembre. J'espère que tout va très très bien pour vous, les copains. On n'a plus de jingle, on a explosé le budget jingle. On ne met plus de jingle sur Virgin Radio. J'espère que tout va très très bien pour vous. On est là entre 6h et 9h chaque matin. Courage à vous, hein. Je sais que vous êtes encore déjà très nombreux sur la route. Peut-être entre Pouilly en Auxois et Civry en montagne, par l'A38 du côté de la Bourgogne. Tu connais bien. Je connais bien, c'est pourquoi? Parce que ton chien vient de là-bas. Oh, t'es forte, bah, bien sûr. Mon chien, mon petit Groucho d'amour, je suis allé le chercher chez un éleveur à Pouilly en Auxois. Ah. Il est de là-bas. Ah, c'est ses terres, là. Nom de Dieu, là. Je suis content, je connais très très bien. C'est une belle région, en plus. Ouais. Les amis, merci d'être avec nous, vraiment. J-2 avant de vous payer 50 ans de loyer. Ah ouais. Sur Virgin, on a peut-être plus de jingle, on a tout mis dans le loyer. Hein. En tous les cas, les plus beaux cadeaux. Et faites le tour de toutes les radios en France. Je vais même vous dire, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, dans le monde, personne n'a prévu de faire un chèque aussi énorme. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la radio, Laure. Mais c'est stressant, je trouve, parce que moi, j'ai des frissons et toi, chaque fois que t'en parles. Le maximum qu'on ait offert, c'est quand même 10 ans de loyer et c'est exceptionnel, c'est énorme. C'est fou, déjà. Et je vous jure, ça met un stress. C'est vrai, je sais que pour vous c'est important et que c'est le but et que c'est encore plus stressant pour vous. Mais déjà moi, au moment où je remets le truc à l'antenne, je peux vous dire, mais je suis au bord du malaise. Quoi. Mmh. Ah, je suis hyper stressé. Oui, Pauline, au standard. Mais c'est-à-dire qu'en une demi-seconde, tu vas changer la vie de quelqu'un. Oh là là, je ne le stresse pas encore plus. Après, il va être tout stressé, il va faire des trucs de stressé c'est là. Du bon. Allez, mets ton stylo, tac tac tac tac. Mes trucs de stressé, c'est le stylo. Ouais. Ça, là, claque le bouchon, je me claque les doigts. J'arrête pas de me claquer les doigts. Mais ça te relaxe parce que moi j'ai une bonne technique relaxante. C'est quoi ? C'est de manger un truc qui fait vachement de bruit, genre des chips, des biscottes avec du beurre salé ou un truc. Ah ouais, à la radio c'est pratique. Ouais, c'est pas pratique, mais ça déstresse. Qu'est-ce que vous avez, tiens, pour les gens ? Alors moi, c'est pas plus grave. Le plus grave, c'est vous qui allez être devant votre téléphone vendredi matin à 8h20 pour ses 50 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait donner ? Et je vais vous demander, vous qui êtes aussi en attente au standard, qu'est-ce que vous donneriez comme astuce déstressante ? Ginger. Ben moi, j'ai trouvé un petit cube sur internet. En fait, c'est un truc avec quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu mon casque à ce moment-là, j'ai entendu, j'ai trouvé un petit cul sur internet. Et le fait de le regarder, ça me déstresse. Ah, n'importe quoi. Non, mais dessus, c'est un cube en fait. Dessus, t'as une espèce de petit creux à frotter, t'as un joystick à tourner, un interrupteur à switcher, d'écran ah ouais, à. On a, non, mais... T'avais bien compris en fait, Clément. Non, mais... C'est quoi qui te déstresse ? Okay, on va mettre, non, c'est un vrai objet. Alors, on va mettre en lien là tout de suite sur le Facebook officiel du Virgin Tonic. Clément. Ouais, je suis pas un grand stressé, mais une petite partie de PlayStation. Une petite partie de FIFA, ça détend toujours avant un grand truc. Ouais, je suis d'accord. Après, on n'a pas des FIFA et des PlayStation de partout non plus, selon où on est, au bureau ou quoi. Ma popo, standard. Ah ben moi, j'en ai toujours deux sachets sur moi. C'est la tisane à la camomille, là, éléphant. Ça me détend. On dirait que je parle de drogue. Mais il paraît que ça marche bien. Non, ouais, je blague c'est, pas. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il paraît que ça marche bien. Ça marche de fou. C'est-à-dire que je peux dormir dans la demi-heure. Mais ça tâche les dents, le thé. Oui, exactement. Le thé, ça vous donne très vite les dents jaunes. Oui, enfin, c'est pas du thé, c'est de la tisane. Donc tu peux y aller, mon chéri. Ah bon ? Oui. Eh oui. Ok, merci. Je rappelle un lore qui représente l'Union française pour la santé bucco-dentaire dans cette émission. On a qui au standard, ma popo ? On a Gabriel et Estelle. Par exemple ? Eh ben, allez, on y va. Gabriel, Estelle, est-ce que tous les deux vous avez un truc pour vous déstresser quand vous êtes pas bien, les copains ? Salut tous les deux. Bonjour, salut, toute l'équipe. Ma petite Estelle, on commence avec toi. Forcément, dis-moi tout. T'as un truc pour donner un conseil à tous les gens qui seront très stressés, peut-être vous aussi, hein, si vous êtes inscrit vendredi matin, pardon, à 8h20. Alors moi, quand je suis stressée, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je roule toujours un papier. Et il faut savoir, donc ça peut être un ticket de caisse ou une étiquette de vêtements. Mais mon papier préféré, c'est quand même le papier qui entoure la paille à McDo. Ah, tu le torsades ? Voilà. J'ai le même truc que toi. Non. Je l'ai, ben regardez. J'ai non, t'as un autre truc, toi, Camille. Pas. Avec les pailles McDo, tu les envoies sur tes copains, tu souffles et on les prend dans la tête. Catapulte. Bon, Sarbacane. Ah, bah attendez, Non, mais ça, mais j'ai ce truc de torsade et tout. Tu vois, je l'ai exactement comme toi, Estelle. Je sais pas si ça me déstresse. Eh ben, ça me fait plaisir. Et moi aussi, j'envoie le papier sur mon voisin, je souffle dans la paille. Bah, normal. Mais après, il y a le. Vous savez, même les nappes en papier sur certains restos, je les déchire et je fais ça. Mais bien sûr. Et je dénoue, Ah, j'arrête pas. C'est quoi, toi, Gabriel ? Alors moi j'écoute plutôt de la musique soi-disant relaxante, tu vois, genre le chant des baleines, la pluie qui tombe, des choses comme ça. Et bah du coup je pense que mes voisins imaginent que je suis prof de yoga. C'est vrai que c'est un peu fort des fois. Alors là Gabi m'en veut pas, hein. C'est normal, chacun fait sa stratégie. Mais je crois qu'il y a rien qui me relaxe moins que la musique relaxante. J'ai envie de casser un mur. Ah ouais, je te jure, moi je me suis fait masser qu'une seule fois dans ma vie, j'aime pas ça. Mais la fois où je suis allé me faire masser, ce côté, la musique, tout est fait pour se relaxer, ça me rend hystérique, Laure. Mais moi, ça me donne envie d'aller aux toilettes, tu vois, donc c'est un vrai problème. Ah bon ? Dès que j'entends l'eau comme ça, brrr, plutôt que j'ai envie d'aller aux toilettes direct. C'est donc, très bizarre. En massage, c'est un peu embêtant, tu vois. Ah bah, c'est un peu embêtant, je te confirme. Nico du bureau. Moi, j'y croyais pas à ces trucs, et un jour, quelqu'un m'a offert en fait une petite fontaine de chez Nature et Découverte. Tu sais, ces petites fontaines avec l'eau qui coule en permanence. Et ben, effectivement, c'est ce genre de truc, c'est relaxant. Comme les jardins japonais, tu sais, avec le petit râteau. Ouais. Si ça marche sur des millions de gens, j'imagine. Moi, je pense que je suis un cas à part, mais c'est vrai que c'est bizarre. La musique des spas, la musique relaxante, ça n'a pas, ça a l'effet contraire sur moi. C'est bizarre, hein, la Pauline au standard. En fait, il y a musique et musique relaxante. Toi, tu me parles des trucs des spas. D'accord. Vraiment. Excuse-moi, Pauline, j'interviens. Vous allez être chiant. Ça va être chiant. Non, mais je m'y connais. On se le dit direct. Ça va être un peu chiant. Ok. Oui, ça risque. Ça risque d'être chiant. Ok. Bah, vous savez quoi ? Mettez-le sur votre blog. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Je le sentais ça. Oui. Je vous dis quand Popo elle est là, qu'elle hésite, c'est en général on va au devant de grandes déconvenues. Merci d'être là avec nous en direct. En tout cas, Maroon 5, Move Like Jagger. Et allez sur les réseaux sociaux, tiens, si vous voulez, tout de suite, Pauline, son conseil de musique relaxante, on va le mettre uniquement pour Facebook, les amis. Merci. Mais je pense que vous méritez pas ça, alors. Ça vous donne passer une belle matinée, bon réveil. Tonic.

me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the life changes. Maybe we'll stay together. Maybe we'll run away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio. Merci de nous rejoindre. Peut-être à l'instant, tout juste, vous ouvrez les yeux. Mais bon nombre d'entre vous, je le sais, sont déjà en voiture, dans les transports. On est très heureux d'être là, 6h, 9h comme chaque matin. Dans un instant, comme tous les jours, à 8h tout pile, on fera un point sur l'actu. 8h05, question de ouf. Oui, quelle est votre citation préférée? 8h20, loyer. Je vous dirai aussi comment gagner 50 ans de loyer vendredi matin. Et pour le moment, c'est un grand jeu parce que, alors vraiment, on vous soigne, hein, les 50 ans de loyer. Et rien que ce matin, hein, deux iPhone 7 à gagner grâce au pari d'amis. Virgin Tonic, Clément Ginger, Laure, Paul, Nico Dupé, le pari d'amis. Le pari d'amis, on va retrouver Céline qui s'est inscrite au 3916 peut-être pour cet iPhone 7. On en aura deux à offrir ce matin, je le disais. Salut Céline. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Sois très bienvenue ma belle, tu viens d'où? De Wascal. Wascal, très bien. Eh ben ma chérie, oui. Je vais demander à toute l'équipe de sortir. On va rester que tous les deux sur l'antenne avec vous tous qui nous écoutez. D'ailleurs, votre radio, allez-y, sortez tous. Tu vas pouvoir parier sur Pauline, sur Clément, sur Ginger, sur Laure, sur Nico. Je vais te poser trois questions. J'adore ce jeu. Trois questions de culture générale. Peut-être que tu auras la bonne réponse ou pas, mais peu importe. Il va falloir que tu paries sur quelqu'un de l'équipe, puisqu'à chaque fois, je te demanderai de me trouver soit quelqu'un qui a la bonne réponse, soit quelqu'un qui a la mauvaise réponse selon toi. D'accord? D'accord. Je rappelle que hier, Pauline a quand même fait perdre deux iPhones. Les deux personnes ont parié sur Pauline, deux fois ça a été perdu. On y va, attention. Voici ma première question. Quel animal est Franklin dans le dessin animé Franklin? Je vais te demander, parmi l'équipe, de trouver quelqu'un qui, selon toi, aura la mauvaise réponse. La mauvaise réponse sur qui est Franklin? Quel animal est Franklin? Peut-être Ginger. J'aurais choisi pareil pour être honnête. Dis, c'est celle, c'est facile hein, comme question, mais je me suis dit, celle qui peut être le plus éloignée, c'est elle. Bien choisi. La deuxième question, la voici. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Saint-Malo? Et je vais te demander de me trouver parmi l'équipe, parmi les cinq, quelqu'un qui, selon toi, aura la bonne réponse. Les habitants de Saint-Malo. Clément. Ouais. Très bon, Géo Clément. Je vais te dire un truc. Pour l'instant, j'aurais fait les mêmes paris que toi. Ouais. J'espère que ça te portera chance et que tu gagneras l'iPhone. J'espère. Mais vraiment, j'aurais fait les mêmes paris que toi. Et enfin, une dernière question. Que s'est-il passé le 9 novembre 1989? Le 9 novembre 1989, je crois que c'est la chute du mur de Berlin. C'est exactement ça, bravo ma chérie. Mais moi je veux que tu me trouves quelqu'un dans l'équipe qui a la mauvaise réponse. Qui a la mauvaise réponse? Bravo à toi hein, déjà de le savoir, mais moi je veux que tu devines quelqu'un dans l'équipe qui n'aura pas la bonne réponse. Je peux redire Ginger ou pas? Bien sûr. Ah bah Ginger. Ginger. Tu penses nul en histoire, on a bien compris. L'équipe me rejoint. C'est parti, attention, de retour, ça va tout le monde? Oui. C'est comment l'ambiance dans le couloir? Génial. Ok, super, super. On va commencer, vous l'avez compris, si vous nous rejoignez tout juste sur Virgin, j'ai posé trois questions à Céline avec moi au 3916 pour un iPhone. Elle a parié sur certains d'entre vous. Ouais. Le premier pari qu'elle a fait, c'est sur Ginger. Ok. Ginger, toi tu ne sais pas si on cherche quelqu'un qui a une bonne ou mauvaise réponse. Vous, le seul but, c'est de répondre à la question si vous l'avez la bonne réponse. Ginger, quel animal est Franklin dans le dessin animé Franklin? Ah, fastoche. C'est une tortue. Oui, c'est une tortue. Malheureusement, chercher quelqu'un qui avait la mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Deuxième pari, il concerne Monsieur Clément Lincruste. Présent. Clément Lincruste, on a parié sur toi, Céline surtout. On a parié, on se demande comment est-ce qu'on appelle les habitants de la belle ville de Saint-Malo. Clément, alors ça c'est un truc qui est toujours difficile, on connaît la ville, on s'assume, mais Comment on appelle les habitants, Clément? Il faut se lancer, selon les toi. Les Maloxois. Le Malox, c'est quand t'as mal au ventre. Les Maloxois. Clément, les habitants de Saint-Malo s'appellent les Malouins. Ah, les Malouins. Et on cherchait quelqu'un. Qui n'a pas la bonne réponse? Qui a la bonne réponse. Ah, je suis désolé. Et je vais dire, Céline, ça devient chaud. Céline, j'aurais parié exactement comme toi, j'aurais parié sur Clément. Franchement, j'aurais parié sur Clément. Attention, une dernière question. Et les gens ont bien compris, elle a fait perdre deux iPhones hier. C'est pour ça que le dernier pari, c'est pour Ginger. Ah, encore? On a le droit de parier, même trois fois sur la même personne. Ginger, oh là là. Tu as déjà fait rater une fois l'iPhone 7 à Céline. Ah oui, oui. Deuxième question qui te concerne. Peut-être que je lui ai demandé de trouver quelqu'un qui a la bonne, peut-être la mauvaise réponse. Vous le savez pas. Que s'est-il passé le 9 novembre 1989? On repart dans les coups de Je l'ai. Clément, vous l'avez? Je l'ai, moi. Attention, Clément, il l'a. Machin, on se dit pas, on se regarde pas. Attention, Ginger, selon toi, que s'est-il passé le 9 novembre 1989, Ginger? C'est la chute du mur de Berlin? C'est la chute du mur de Berlin, bah, et on voulait une mauvaise réponse. Et j'aurais fait, Céline, je te le dis, je les connais par cœur, l'équipe, depuis 3 ans, se réveille ensemble tous les matins. Ouais. Céline, t'as rien à te reprocher, je te jure, j'aurais fait exactement les mêmes paris que toi. Ouais. Exactement les mêmes. Malheureusement, écoute, ça t'a pas porté chance, mais j'aurais fait comme toi. Et moi, je vais vous dire sincèrement, 9 novembre 89, j'étais tellement sûr que c'était la chute du mur que j'aurais pas répondu la chute du mur. Ah je serais parti dans un truc de non, c'est autre chose. Et je me serais fait avoir. Ouais, moi, j'aurais mal répondu. Je t'aurais fait gagner ton iPhone, mais par peur, quoi. Clément. Et Saint-Malo, quelqu'un le savait ou pas? Non. Donc, non, pas, si, pas, pas mal de gens de Saint-Malo le savaient. On a du retour sur les réseaux. Ma Céline, je suis désolé, c'est perdu. Hein. Oh. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, je sais, mais je vais quand même te faire un très très beau cadeau. D'accord, ma belle? D'accord, y a pas de soucis. Je t'embrasse très très fort, entreprends 3916. Et puis, mais du coup, on a encore deux iPhones en jeu ce matin. C'est fou. Il est dur ce jeu. Hein. Ouais, il est très dur. Oh là là là là, le pari d'Ami qui revient sur Virgin Radio. Deux iPhones à gagner ce matin. Et là, ce matin, vous avez été un peu trop fort pour le moment, l'équipe. On va rejouer dans un instant. Nash, I hate you, I love you. Voilà ce qui arrive dans un instant pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un très très bon réveil. C'est le Virgin Tony. Your Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, de fortes pluies et des orages attendus aujourd'hui sur le sud du pays. 7 départements en alerte comme l'Ardèche, l'Hérault ou encore les Bouches-du-Rhône. De la grêle aussi sur la région lyonnaise. Du soleil en revanche sur les Hauts-de-France et surtout le Grand Quart Nord-Est. Ce matin, ce ne sont pas moins de 120 000 foyers qui sont encore privés d'électricité à cause précisément de ces intempéries, des trombes d'eau et de grosses inondations en Bretagne, en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore dans les Landes avec des chutes d'arbres et de lignes électriques, des câbles inondés et même des départs de feu. Le gouvernement a engagé des pourparlers sur le site d'Alstom à Belfort. L'usine est menacée d'un transfert massif de son activité qui toucherait directement 400 employés. L'État s'est donné 10 jours pour trouver une solution. Le maintien de l'activité dépend du nombre de commandes et l'État souhaite que la SNCF choisisse Alstom pour ses prochains trains. Les salariés d'EDF appelés à faire grève ce mercredi, un mouvement pour dénoncer la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. En service depuis 1977, la doyenne des centrales françaises doit fermer ses portes à l'horizon 2018. Une décision jugée scandaleuse par les élus du comité central d'entreprise. Autre mouvement social, celui des infirmières appelées à descendre dans la rue également. Les blouses blanches dénoncent leurs conditions de travail directement affectées par les économies de près de 3 milliards d'euros réclamées aux hôpitaux et alors que la profession est frappée actuellement par une vague de suicides. L'Harmony of the Seas pourrait reprendre la mer dans la journée. Le plus gros paquebot du monde est à quai ce matin à Marseille. Pour les besoins de l'enquête, un canot de sauvetage s'est détaché hier lors d'un exercice dans le port, faisant un mort et 4 blessés. À l'étranger, Shimon Peres, hospitalisé d'urgence en soins intensifs, âgé de 93 ans, l'ancien président d'Israël et prix Nobel de la paix est dans un état grave après un AVC. Une partie de son cerveau a été touchée. Les médecins ont décidé de ne pas l'opérer pour le moment. L'actu musique avec le retour de Justice ce soir sur Virgin Radio. Le groupe a choisi votre radio préférée pour dévoiler son nouveau single, un titre baptisé Randy, à découvrir à 20h30 précise ce soir sur notre antenne. Il sera dispo en streaming un petit peu plus tard. À propos de musique, on en écoute de plus en plus en ligne sur nos smartphones d'après une nouvelle étude. Une large majorité d'abonnés à Spotify ou à Deezer profitent de leur musique sur leur portable, alors que les internautes préfèrent utiliser leur ordinateur lorsqu'ils utilisent les versions gratuites de ces sites avec de la publicité. En sport, le foot est un début difficile pour le PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens ont fait match nul un but partout face à Arsenal. Ce soir, la suite de cette première journée. Lyon, Dynamo, Zagreb et Tottenham, Monaco. Deux matchs à partir de 20h45. Voilà pour l'actu. Très bon réveil. Tous, merci d'être avec nous sur Virgin Radio 8h04. J'espère que tout va bien, que cette matinée continue de bien se passer. Vraiment, vous qui êtes déjà en voiture, vous qui êtes peut-être sur le point de déposer vos enfants à l'école, il y a alors. Salut toi. Il y a Clément. Bonjour. Il y a Pauline. Coucou. Il y a vous tous. Il y a 50 ans de loyer à gagner. C'est quand ça? Vendredi à 8h20. Bravo Clément, meilleur élève, délégué de classe Clément. Oh, oh, je vais faire la récré. Les amis, on a offert déjà quand même pas mal de fois 10 ans de loyer. Ouais. Ce qui est déjà une somme incroyable. On a retenu quelques réactions des gens. On a même les réactions de tous les gens qui ont déjà gagné 10 ans de loyer. C'est vrai. J'y croyais pas du tout. Et puis j'ai écouté, j'ai envoyé pas mal de SMS pour le dernier tirage. Et puis quand j'ai su que vous remettez ça lundi, je me suis dit, allez, on y croit quand même. Et puis, pardon. Je suis en train de dormir, c'est les vacances. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Putain, désolé. J'avais trop de questions, puis je me dis, ça sert à rien de voir un message, il y a trop de monde, et puis. On s'en rend compte que le vrai truc qui revient souvent, c'est quand même au putain. Ouais. Ah, c'est vrai, hein. Oui, ou c'est pas vrai. Enfin, ils y croient pas, quoi. C'est pas vrai. Oh putain, c'est pas vrai. C'est normal. C'est quoi, j'imaginais, même si vous êtes inscrit, on vous appelle là, à 7h6, dans un quart d'heure vendredi matin, boum, tu prends un chèque aux alentours des, je sais pas, 300, 500, peut-être même 500, peut-être 900 000 euros. Mmh. Tout dépend de votre loyer. Votre loyer, fois 12, ça fait un an. Fois 50, ça fait 50 ans. Oh là là. Vous êtes peut-être enceinte, vous ne paierez un loyer que le jour où votre enfant aura 50 ans. Oh là là. C'est dingue. C'était comment vous appelez-vous? Moi, c'est Laure. Comment avez-vous Laure? Très bien, et vous? Jusqu'à mes 90 ans, je passe, imagine. Jusqu'à tes 90 ans. J'adore parce que depuis que Laure a décidé d'assumer son âge, maintenant elle veut absolument le dire. Ah ouais, c'est vrai. C'est, on dirait va mettre des t-shirts genre j'ai 40 ans. Beau. C'est beau, je trouve. Ouais. Ben, Clément. Alors qu'en vrai, elle les a même pas encore. C'est ça qui est génial. Ouais, t'inquiète pas. Si vous êtes des habitués de l'émission, je peux vous assurer que arrivé à un mois et demi de l'anniversaire de Laure, ouais, on va se prendre de l'anniversaire de Laure. Hein, deux mois. Clément. Non, mais si vous réécoutez les émissions qu'on faisait au mois de mai, elle avait 34 ans. C'est ça qui est ouf. C'est vrai. J'ai vieilli d'un coup. Mais t'es très belle, tu peux assumer. Merci. Tes 40 ans. Mais t'es belle comme toi, t'en fais 34. Mais c'est vrai que au mois de juin, elle pas l'idée. Non, j'ai 34 ans et là, on vient. C'est pas ça, a pris 6 ans, on a laissé ça. 8h06, les amis. On va écouter Nash dans un instant. Inscrivez-vous pour le loyer, on en parle. Je vous donne quand même le numéro. Loyer au 7-12-13 par SMS. Tirage au sort à 8h20 pour les 1 mois. Et pour les 50 ans, c'est vendredi matin. Bah ouais, les copains, tout de suite, c'est la question de ouf. Question de ouf. Clément, il pose des questions, elles sont toujours ces questions à Clément. Donc vous laissez toutes vos réponses 01 84 07 08 09. Et ce matin, je vous ai demandé quelle était votre citation, je sais que t'adores ça Camille, préférée. Bien, moi, mon proverbe préféré, c'est quand on crache en l'air, ça vous retombe souvent sur la tête. N'allez là où. Non, c'est pas ça. Dans la vie, deux mots t'ouvriront beaucoup de portes, tirer et pousser. N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas le chemin. Merde. Alors moi, mon proverbe préféré est mythique. Hein. C'est le piment, c'est comme l'autoroute. Tu le payes toujours à la sortie. Heureux l'élève qui, comme la rivière, suit son cours sans quitter son lit. Mais moi, j'ai jamais réussi. Alors ma citation, c'est qu'au boulot, il faut toujours se donner à 100%. Par exemple, lundi, je suis à 30, mardi, je suis à 10, mercredi, 1%, jeudi, 30%, et vendredi, je retombe à 10%. Un geek ne tombe jamais malade, il a son antivirus. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin, et laissez une trace. Ah ben voilà, quand on veut, on peut. Question de ouf. J'ai adoré le 100% au travail. Ouais. Mais il fallait sur la semaine. 8h08, les amis, on écoute Nash. I hate you, I love you, c'est pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un très très bon réveil sur Virgin Radio et merci de nous avoir choisis. I miss you when I can't sleep. Right after coffee, right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this real out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you've ever seen. How is it you never noticed was slowly killing me? I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio, 8h10. J'espère que ça va pour vous, l'équipe est là bien sûr. Oui. On vous souhaite une très très belle matinée, mercredi déjà, le 14 septembre. Les enfants, quartier libre cet après-midi. Les adultes, relou. Ouais. C'est une journée normale, en tous les cas on va vous réveiller de bonne humeur comme on le fait chaque matin, vous le savez. Alors vous n'êtes toujours peut-être pas réussi. Eh oui, enlevez les fourmis de votre bras, vous savez, parce que votre chérie a dormi dessus. Vous avez ça parfois ou pas? Moi, j'ai pas ce problème, mais j'ai d'autres problèmes. Mais il y a des. Personne dort sur mon bras, mais. Peut-être ton traversin. Ouais. Non, fourmis, je ne sais pas. À la nuit, mais mon corps est pas adapté pour une position en revanche. Il est pas adapté pour énormément de choses. Non, je te le dise. Tu sais que je souffre en pique-nique quand il faut se mettre en tailleur, tu sais, comme j'ai les bonnes cuisses de Zidane, je suis pas en tailleur, je tiens pas. Parce que je veux dire, tu tiens pas. Hein. Quand je suis invité à des pique-niques, je sais jamais comment mettre. Il y a des positions dans lesquelles. On invite encore des gens à des pique-niques. Oui, oui, bien sûr. Oui. Ah bah oui, les gens sortent, tu sais. Non mais ça fait très. Bah, je vous dis franchement, c'est pas que je veux pas. Ça fait très longtemps qu'on m'a pas invité. Ça doit faire très longtemps que je n'ai pas fait un pique-nique. D'accord. Ok, bah je t'invite. Moi aussi. C'est ce week-end. La période des pique-niques. Ouais. Bah, bien sûr que si. Mais non, il pleut ce week-end et puis d'ailleurs. Ouais. Il pleut ce week-end. Et d'ailleurs, je pense très fort. Il y a plein de régions là, du coup, qui sont sous la pluie et qui sont vigilants orange. Donc soyez prudents. Ça doit être encore plus bouché sur la route. Mais non, là c'est plus la période des pique-niques, ça y est, c'est l'été, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi j'en fais un peu toute l'année en fait. Enfin un peu toi. Ouais, voilà, c'est moi je suis comme ça moi. Toi, oui, donc vous en fichez que j'arrive pas à trouver la bonne position pour le pique-nique. Voilà. Parce que le vrai problème c'est ça, mais il n'y a pas de position pique-nique, donc voilà, je lance un appel. Si vous savez comment, avec mon corps, on peut se mettre pour être à l'aise pour un pique-nique, je dans prends. Dans quelle position vous êtes jamais à l'aise? J'ai très peur les filles. Dans quelle position vous êtes pas du tout à l'aise, Laure? Il y a une position qui est assez cocasse, c'est quand tu changes ton enfant, donc ça va parler à toutes les mères, et que tu fais tomber les lingettes. Et que tu peux pas lâcher l'enfant, mais qu'il faut récupérer les lingettes avec le pied. T'es en galère. T'es en twister, tu sais, le jeu twister. Non, c'est le jeu où on tourne sur une couleur, faut mettre le pied. Exactement. Ouais. On m'invite jamais à faire des twisters. Voir quelqu'un qui t'invite à faire un twister, c'est quand même. Ambigu. Ouais. Mais bon. Plus que pique-nique. Oui. Bah, le jeu, il est quand même. On est dans la proximité, quoi. Oui. Bah, tu joues enfant, c'est pas grave. Mais après, voilà. Pauline, est-ce qu'il y a une position dans laquelle t'es jamais à l'aise? Ouais. Moi, quand je fais les courses, c'est que je tiens l'espèce de panier en plastique, là, mais qu'il est rempli. Et du coup, je marche, en fait, dans les couloirs. Et j'ai l'air de Quasimodo. Ah ouais, et tu sais plus comment l'équilibrer, là. Ah, mais je suis en Quasimodo, quoi. Oui. Je fais ma bosse, mon seigneur. Elle porte bonheur. Je retourne dans les douves. J'avoue, il y a un peu de ça. J'exagère un peu, mais il y a un peu de non. ça. Léa, ma chérie, est-ce qu'il y a une position dans laquelle t'es jamais allée? Salut ma belle au 3916. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Moi, c'est avec mon patron. Je sais jamais comment me tenir. Je mets les mains dans les poches, derrière, je croise les bras, c'est insupportable. Je sais pas comment. Ah, quand t'es mal à l'aise. Ouais. C'est ça, c'est ouais. Vrai. J'ai les mains moites et tout. Enfin, c'est terrible. Quand t'es mal à l'aise, tu sais plus quoi faire. Moi, il y a un endroit où je suis jamais à l'aise, c'est quand je suis à l'arrière d'une voiture au milieu. Ah, c'est horrible. Je sais pas. Ah ouais, je sais pas quelle position adopter. Je sais qu'on voit que moi dans le rétro. Je vois le gars qui conduit dans le rétro. Et surtout quand c'est toi qui conduis. T'es derrière, coup, c'est vraiment galère. Tu te tiens un peu aux appuis-têtes, c'est pas bien. C'est pas bien comment faire. C'est on dirait un koala là au milieu. Tu sais pas quoi faire. Oui, j'aurais dit. Bah oui, c'est vrai. Ma Pauline au standard. Ben, moi j'aime bien. On me place toujours à cette place et j'ai l'impression qu'il y a la liberté des jambes et je peux parler aux deux à l'avant. J'avoue que sur le niveau du parlage, t'es au top. Ah, t'es au top. T'es en Dolby Surround, t'es à chier. T'as tout le monde. Partout, t'es comme au cinéma. Ça, c'est pas mal. Tiens, on va demander à Clément s'il a une position dans laquelle il est jamais à l'aise. Bonjour Clément. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Hey, Clément qui dit bonjour à Clément, trop marrant. C'est trop J'ai marrant. Cru que c'était moi, je me suis complètement fait avoir. Ah, c'était vite, c'est une réussite déjà. Voilà, je me dis vraiment, je suis content de m'être levé ce matin avec pour ce moment-là. La cocasserie qui amène la bande FM. Enfin. Clément qui parle à notre Clément, là. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment, si vous avez cru que vous, là, qui êtes dans la voiture, vous entendriez ça ce matin, vous êtes en train de vous dire pas, vous êtes en train de vous arrêter, vous dire je suis hilar. Parce que tu ne sauras pas ce qui s'est passé sur Virgin. Clément, qui est dans Virgin Radio, a parlé à un Clément au 39-7. Et ils ont échangé finalement. Mais j'avais rien vu venir, vous avez eu l'idée con de faire ça. C'est le hasard, là, là, mais c'est génial. Clément, est-ce qu'il y a une position dans laquelle t'es jamais à l'aise? Peut-être celle dans laquelle je suis en train de te mettre. Oui, exactement. Je pense que ça va parler à Clément aussi. C'est quand j'essaye de dormir dans le train, en fait. Ah ouais, alors ça me marre. Alors, contre l'appui-tête, j'utilise un pull en guise d'oreiller, mais ça marche pas, quoi. C'est une horreur impossible de dormir. Puis il y a de la ventilation. Il y a la ventilation. Puis tu sais pas quoi faire. Tu sais pas, mais c'est tellement vrai. Tu sais pas, tu peux pas dormir dans un TGV. C'est pas possible, Laure. Mais c'est vrai, mais j'ai tout essayé. Enlever l'appui coude là. Remettre l'appui coude. Coup, ne pas payer mon billet. J'ai tout essayé pour être à l'aise. Je ne sais jamais à l'aise. Non, mais tu sais pas, puis t'as peur de tomber sur un inconnu au bout d'un moment. Puis tu sais que quand tu t'endors comme ça, tout le monde te regarde dans le train. C'est vrai. Clément, tu veux dire au revoir à Clément? Salut et à bientôt dans les trains couchettes alors. À bientôt Clément. Et Camille? Ouais. J'attends ton appel vendredi pour le loyer. Ah, tu me fais plaisir. Eh ben ça tombe bien. Ben, tu sais quoi, inscrivez-vous maintenant. Loyer au 7-12-13 par SMS. Puisqu'il y a le tirage au sort là dans quelques minutes de 8h20 qui arrive pour les 1 mois de loyer. Ça, c'est tous les matins. Et t'as bien raison. Tu t'es inscrit ou pas, Clément? Bien sûr. J'espère que je t'aurai au téléphone. Qui que ce soit d'entre vous qui m'écoutez, tous ceux qui m'ont envoyé ne serait-ce qu'un texto sont inscrits. Vendredi matin, 8h20. 50 ans de loyer. Clément, je te souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Salut, j'étais sûr qu'il allait la faire. C'est pas possible. 8h16, les amis, reste avec nous. Qu'est-ce que je l'aime ce morceau. Bon. Down. Oh là là là là, j'adore. Chainsmokers, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Bon réveil à vous tous, c'est Virgin Radio. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D, qui manque à près d'un Français sur deux, et 10 autres vitamines indispensables à notre organisme. Des vitamines, du calcium, pour un petit déjeuner complet, on peut faire confiance à Viva de Candia. Merci Madame Thierry. Merci. Viva ! Qui habille colore la vie. Le moment le plus magique de l'automne, c'est quand la nouvelle collection arrive chez Kiabi. Tous ces styles, tous ces looks de folie. Et si on est tendance hippie chic 70, on craque pour la blouse lavalière unie ou imprimée à seulement 9€. Et puis, les hommes aussi, on peut les looker hippie chic. Du 14 au 27 septembre, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Le magique anniversaire de Butte, c'est en ce moment. Le canapé d'angle convertible Osana est à moitié prix, 599,75€ au lieu de 1189. Un canapé à moitié prix? Moi, on me dit ça, j'y vais. Butte, c'est nous. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on y va aussi. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30€ d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions, modalités, magasins participants sur carrefourmarket.fr. Pour 139

c'est Bernard. Chez Yo-Yo, y'a tout ce qu'il faut. Chez Nana, on est en retard. Ouais, je vais en retard à l'école. Et t'es en quelle classe? Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Ah mince, oh pardon. Ouais, mince. Tu les déposes. Non, c'est pas grave, pour ça, j'aurai un mot d'excuse, c'est pas grave. C'est important, mon poteau, que t'arrives à l'heure pour tes enfants. Tu es de quel coin? Fleury-sur-Orne, près de Caen. Calvados. Ouais, c'est ça. Ouais, mon pote. T'as un loyer de combien? 810. 810, eh bien sache, mon poteau, que je vais te faire un chèque tout de suite et que en plus, si je te reprends au téléphone vendredi, comme vous tous qui m'écoutez hein, pour les 50 ans de loyer, si vous êtes inscrit là, vous êtes également inscrit pour les 50 ans vendredi, eh bien vendredi, je te ferai un chèque de 486 000 euros. Je suis preneur aussi. J'imagine, mon Bernard, je t'embrasse très fort. Ça va, bisous, salut. Et bisous à toi, courage. Et dépose les enfants à l'école, je sais que là, voilà, c'est les dernières minutes, c'est important pour vous. Bon, les copains, le dernier gagnant, c'est Johan. Ça veut dire qu'on a offert pour plus de 2000 euros de loyer ce matin. Et puis surtout, hein, même si vous n'avez pas eu la chance d'être là, de passer sur l'antenne et de gagner, voilà, tous les SMS que vous m'avez envoyés, ils ont augmenté vos chances d'être le gagnant des 50 ans. The Chainsmokers, tout de suite, bon réveil. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. À 8h27, c'est le Virgin Tony qui vous accompagne chaque matin. On pense aux parents qui déposent les enfants, on passe aux enfants qui se font déposer par les parents. On pense à vous tous qui êtes aussi déjà arrivés au travail, nombreux je le sais, on est là 6h, 9h chaque matin avec vous. On a offert le dernier loyer il y a deux secondes, oui, mais on n'a pas fini de vous faire plaisir. On n'a pas un, on a deux iPhone 7 à vous offrir. Bah ouais. C'est-à-dire qu'on le précommande, vous le recevrez avant tout le monde vendredi matin. Alors on a un jeu qui est difficile, c'est un nouveau jeu. Ça nous fait plaisir parce que vous l'aimez beaucoup sur les réseaux. Oui, c'est vrai. Et nous aussi, alors c'est un jeu qui est pas facile, mais en même temps c'est un beau cadeau l'iPhone. C'est le pari d'amis. On va rejouer au pari d'amis. Vous pariez sur une personne de l'équipe qui peut ou pas avoir la bonne réponse à une question de culture générale. Oui. Mm-hmm. Si vous avez la bonne réponse, bah peu importe finalement. Il faut parier sur la bonne personne dans l'équipe. On va rejouer 39-16. On a deux iPhones à vous offrir ce matin. Parce qu'il y a celui de ce matin et celui d'hier qui n'a pas été gagné. Et puis, j'avais promis quelque chose et je tiens mes engagements. On a été la radio officielle des Corinnes. Ouais. On a offert une semaine de vacances et une Corinne. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on serait la radio officielle des chauffeurs de bus. Vous êtes un chauffeur de bus et vous êtes nombreux à nous écouter le matin. Vous avez le luxe de pouvoir choisir votre radio dans votre bus scolaire, le transport public, peu importe. et vous avez choisi Virgin Radio, vous nous appelez au 3916. Qu'est-ce que vous gagnez? Une semaine de bus. Non. Une semaine de vacances. Oh ouais. Tout frais payé. Pierre et vacances. Et on a... Alors, vous avez été très nombreux à réagir, merci. On va en offrir plein. Hein. Ouais. Donc merci à tous les chauffeurs de bus qui se sont manifestés. Et c'est Bruno qu'on a au téléphone. Salut Nunu, salut Nono, salut Bruno. Salut Camille, bonjour toute l'équipe. Oh là là. Il est enroué celui-ci. Ouais, ouais, là, c'est debout depuis très tôt ce matin, donc c'est pour ça. Pour les chauffeurs... petits-enfants à l'école. Eh ben ouais, là ça y est, ils sont déposés. T'es chauffeur de bus dans quel coin, Bruno? Là, je suis sur Poissy. De région parisienne. Oui, Cergy-Pontoise. Je travaille pour une société qui est à Cergy-Pontoise. D'accord, donc tu fais du transport scolaire. Est-ce que tu mets Virgin Radio dans ton bus? Bien entendu. Ça va de toi. Ça me fait trop plaisir, Clément. Est-ce que ça chante toujours dans les bus scolaires? Ah, bien sûr. Oui. C'est toujours bon. Le matin, ils sont un peu calmes. C'est plutôt l'après-midi. Oui. Ah, bah quand tu les récupères, chauffeur, s'il te chauffeur. Ah là là. Et t'as toujours le micro pour dire on se calme au fond? Ah oui, j'en ai même deux. Et j'ai un micro qui est à côté de moi, on s'assoit. Et est-ce que c'est toujours les beaux gosses de l'école qui sont à l'arrière? Oui, c'est toujours les troisièmes, ça va par grade. Si vous faites les collégiens, sixième, cinquième, quatrième et troisième au fond. C'est toujours les tauliers qui sont au fond du bus. Regardez, dans les yeux, dans les bleus, c'est Zidane qui est au fond du bus. Et personne d'autre, mais bien sûr, Clément. Il y a toujours des petits à lunettes qui sont malades devant ou pas? Oui, quelques-uns, enfin c'est toujours les premiers de la classe devant. Voilà. En général. Et est-ce qu'il y a toujours quand même le petit coup du gars qui monte ses fesses à la vitre arrière? Ah non, ça c'est que pour les rugbyman. Ne le faites pas les enfants, ne le faites pas. Mon Bruno, je suis ravi, une semaine de vacances pour toi parce que t'es chauffeur de bus, parce que t'écoutes Virgin Radio le matin. C'est comme ça, c'est cadeau. Ah, oh, merci. Ça me fait plaisir. Tu pars en bus où tu veux. Content? Ouais, super content. Tu vas aller où, à la mer ou à la montagne? Je voudrais bien aller à la montagne, emmener ma famille à la montagne au ski. Les enfants n'ont jamais été au ski, ça serait l'occasion. Ah, eh ben, c'est l'occasion. Trop bien. Tu sais quoi, tu pars au ski avec tous tes enfants, c'est pour 4 personnes, et je précise, hein, vraiment, c'est pas une arnaque. Tu peux partir en pleine vacances d'hiver, pleine vacances de février, pleine saison, c'est pour toi. C'est génial. D'accord, oui Clément. Quand on dit tu pars avec tous tes enfants, c'est les tiens, pas ceux du bus. Non. On craque sur les locations de matériel, sinon je te cache pas. Bon, bisous mon Bruno, félicitations à toi. 8h30, 2 iPhones à gagner, plein de choses encore qui arrivent dans l'émission. Un point sur l'actu, quand même, savoir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis hier. Et puis près de chez vous, surtout avec plus de 60 journalistes en France qui se réveillent à vos côtés. Et le pop rock électro de 21 Pilots. Direction la planète Zion. La Redoute Intérieure présente. Pour vous les rabat-joie, pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée, pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 euros tous les 100 euros d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 euros tous les 100 euros d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous. 7 départements sont en alerte ce matin dans le sud de la France. Un risque d'inondation sur l'Hérault, le Gard, l'Aveyron, la Lozère et l'Ardèche. Le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône sont eux en alerte aux orages. La vigilance a été levée en revanche sur les départements de l'ouest du pays. Ce matin, ce ne sont pas moins de 120 000 foyers qui restent privés d'électricité après ces intempéries de ces dernières heures. De grosses inondations, des arrachages d'arbres et de câbles du Pays Basque jusqu'au sud de la Manche, en passant par la Bretagne fortement touchée. Le coup d'envoi ce soir de la grève à la SNCF, un mouvement qui rejoint les appels lancés pour la journée d'action prévue demain contre la loi travail. Des perturbations sont d'ailleurs à prévoir également demain dans l'aérien. Grosse grève également des salariés d'EDF opposés à la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et puis un mouvement social ce mercredi des infirmières pour dénoncer la dégradation des conditions de travail alors que la profession est touchée par une vague de suicides. Le lancement aujourd'hui d'une campagne de sensibilisation pour apprendre les gestes qui sauvent, bouche à bouche, massage cardiaque et autres positions latérales de sécurité. Tous les élèves de 3e ainsi que les délégués de classe de tous les niveaux vont être ainsi initiés au secourisme. Les Français sont fous de bon bec. La consommation de bonbons fait des bons. Nous en dévorons en moyenne quelques 3,5 kg par an et par personne. Un chiffre en hausse de 2% au premier semestre de cette année. Et ce sont les bonbons qui piquent qui connaissent désormais le plus de succès. Un mort et 4 blessés parmi les membres d'équipage du Harmony of the Seas. Un canot de sauvetage s'est décroché du plus gros paquebot du monde hier lors d'un exercice de sécurité dans le port de Marseille. À l'étranger, Shimon Peres hospitalisé dans un état grave en Israël. À 93 ans, le dernier des pères fondateurs de l'État hébreu encore en vie a été victime d'un AVC. Il est dans un état grave en soins intensifs. Et puis un accident de car ce matin à Barcelone en Espagne. 23 touristes ainsi que le chauffeur de l'autocar ont été hospitalisés. Une belle exclue musique aujourd'hui sur Virgin Radio. Le groupe Justice va lancer son nouveau single baptisé Randy. Il sera à découvrir en exclu donc ce soir à 20h30 précis sur Virgin Radio. Le titre ne sera dispo en streaming qu'un petit peu plus tard dans la soirée. Justice, l'un des gros groupes français reconnus dans le monde avec déjà plus de 2 millions d'albums vendus. Un mot de foot, suite de la première journée de Ligue des Champions. Lyon reçoit le Dynamo Zagreb et Monaco joue à Tottenham ce soir à 20h45. De son côté, le PSG a pu faire seulement match nul à un but partout hier contre Arsenal au Parc des Princes. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal et toute son équipe. Très bon réveil et à tout à l'heure pour d'autres infos. Salut à tous et bienvenue sur Virgin Radio, 8h34, j'espère que tout va bien pour vous, vous qui êtes déjà au travail, vous qui êtes peut-être encore dans les transports, en voiture, on est très heureux d'être à vos côtés, j'aperçois toute l'équipe finalement. Oui, mais oui. On est tous là bien sûr, c'est jusqu'à 9h chaque matin, mercredi 14 septembre aujourd'hui, une moitié de la France, bizarrement le nord au soleil, l'autre moitié vous allez connaître beaucoup de pluie aujourd'hui, soyez vigilants, soyez prudents sur la route, nous on vous accompagne, même si vous mettez 5 minutes de plus à arriver au travail, c'est pas très grave, l'équipe on sait qu'on a 2 iPhones à offrir. Oui. Ouais. Il va falloir s'y mettre. Ouais. Vous rendez compte, 2 iPhone 7, on n'arrive pas à vous les offrir parce qu'il est très dur de gagner à notre jeu. J'adore ce jeu. Hein. C'est le pari d'amis. Ouais, ouais. Nico Dubourg, pari d'amis. L'autre, il est au balto. Quoi. Nico du balto. Et au fond, il commande comme c'est en train de chiquer du tabac. Non, mais je dis juste que j'ai toutes les bonnes réponses sur le pari d'amis depuis le début et qu'on parie que je vais avoir la mauvaise réponse. Alors, Nico du bureau, je vous dis, vous qui êtes en train peut-être de vous inscrire, c'est le 3916 hein, pour passer sur l'antenne. Nico du bureau, à chaque fois que je dis donnez-moi une mauvaise réponse, on parie sur Nico, il a toujours les bonnes réponses. Ouais. C'est vrai. Alors que Pauline a déjà fait perdre 2 iPhones. Ouais. Oh, mais arrête de mettre ça que sur moi, ça va. Et Ginger aussi. Ah, mais moi j'avais les bonnes. Un seul ouais, Ginger. Moi j'ai fait perdre personne. Mais Ginger c'est différent. Vous savez, c'est un pari où je demande d'avoir de deviner qui peut avoir la bonne réponse ou parfois je demande quelqu'un qui n'aura pas la bonne réponse. Et Ginger, on a parié qu'elle ne l'aurait pas alors qu'elle l'avait. Bah oui. On a sous-estimé Ginger. Eh oui. Alors qu'on a beaucoup surestimé Pauline. À de nombreuses reprises. Oui, c'est Popo clair. Du standard. L'ordi, moi j'ai fait perdre personne, mais personne ne l'a prise pour jouer. C'est important parce qu'il y a quand même un iPhone à la clé. On rappelle un petit peu les points forts, les faiblesses de l'équipe, si je peux me permettre. Nico, fils de garagiste, Nico du bureau, tout ce qui est cardan, tout ce qui peut avoir un truc, machin. Cinéma, il aime bien le ciné aussi. Pop culture, la pop, plus pop que culture quand même. Hein. Moi, je suis Rose et Marron. Rosé Marron au Trivial Poursuite, l'or c'est le cinoche. Le cinoche, c'est les arts, la littérature. Ce genre de truc. Voilà. Clément, on est sur de la géographie. Ouais, et divertissement aussi un peu. Le un sport peu. Plus que les séries. Divertissement quoi. Ginger. Bon bah Ginger, hein, c'est la petite dernière de l'équipe, c'est la fille 2.0. Ouais, voilà. Voilà, tout ce qui est site de rencontre, n'hésitez surtout pas. Ainsi que cocktail, si je vous demande la recette d'un cocktail, vous vous tournez vers Ginger. Pas de problème. Elle le connaîtra. Et Pauline, Pauline est là avec nous. Allez. On a du mal à trouver une spécialité. Vraiment. 8h36 les amis, c'est le pop rock électro de 21 Pilots qui arrive. Mais pour le moment, comme chaque matin, bien sûr, c'est la réponse à tout. Réponse à tout. Clément descend dans la rue, pose des questions aux enfants. Il fait ça chaque matin, mon Clément. Et puisque je savais qu'on allait jouer au pari d'amis et s'embrouiller, j'ai demandé aux enfants, la dernière fois que tu t'es fâché avec ta copine, c'était quoi? Est-ce que vous êtes déjà fâché avec votre meilleure copine et pourquoi? Pourquoi tu t'es fâché avec ta copine la dernière fois? Parce que je lui ai mis la tête dans le sable. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce qu'elle m'énervait. Pourquoi elle t'énervait? Parce qu'elle me tapait tout le temps. Et après, elle t'a mis la tête dans le sable et vous étiez plus copine? Non, c'est pas ça. C'est quoi l'histoire? Et en fait, je lui ai mis la tête dans le sable, elle n'arrêtait pas de me taper, du coup, elle m'a donné un coup de pied. Et vous êtes devenue copine encore maintenant ou vous n'êtes plus du tout copine? On est encore copine. Et comment vous vous êtes réconciliée? Parce que je faisais des beaux châteaux de sable. Et du coup, elle est revenue jouer avec toi parce que tu faisais des beaux châteaux de sable. Oui. Et toi, alors, ta meilleure copine, tu t'es fâchée avec elle ou pas? Non. Tu t'entends trop bien avec elle? Des fois non, des fois oui. Elle connaît tous tes secrets? Non. Ah, et donc c'est pas ta meilleure copine? Si. Tu lui donnes que la moitié de tes secrets? Non, je lui en donne aucun. Ah, tu les gardes pour toi? Oui. Ok, c'est qui? Ton amoureux ou pas? Non. Toi, tu le sais? Non. Réponse à tout! On est d'accord qu'une des enfants était bourrée. Oui. On est obligé de dire qu'une des enfants et se consommait de l'alcool. Merci à tous les enfants qui jouent le jeu. Et ce soir aussi à la télé, Clément fait ça le mercredi dans Il en pense quoi Camille à partir de 18h10. C'est sur C8. Tout de suite, c'est parti, un peu de pop rock électro quand même. C'est bien beau de vous offrir des iPhones, mais faut écouter un peu de musique. C'est 21 Pilot tout de suite. Excellent réveil sur Virgin. Sometimes pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm boring, so I'm taking my time on my ride. So I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home which are talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. C'est Virgin Radio. Virgin Radio, en direct de la planète. Ça y est. Pilot sur Virgin. 8h41. On est tellement heureux d'être là chaque matin, on s'amuse vraiment avec vous. J'espère que cette journée a bien démarré. C'est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. C'est forcément un peu plus dur de se réveiller, de démarrer les journées, mais on est là pour vous chaque matin avec Laure, avec Clément. Salut, Rasta Blanc. Avec le produit standard. Il va se passer plein de choses. Deux iPhones à gagner avant la fin de l'émission. J'espère qu'on aura le temps. Et aujourd'hui, mercredi, jour des sorties ciné. Oui, oui. Et c'est Bridget Jones. Je vous dis, alors forcément, c'est un film, sans être cliché, c'est un film plus féminin que masculin, mais c'est le premier truc dont j'allais parler, c'est on ne parle que de ça. Bah oui, c'est énorme. Bridget Jones est de retour sans Hugh Grant. Oui, mais ouais, avec Patrick Dempsey. Le docteur Mamour de Grey's Anatomy. Oh là là, elle est de retour. Ah. Elle est collante un peu. Moi, j'ai vu que le premier. Elle est collante, mais elle est kiffante. Ouais, mais elle est collante. Franchement, Bridget Jones, quand même, c'est vrai, elle est quand même... Oui, ouais. Bon, bah voilà, c'est une célibataire endurcie de 35-40, c'est ça? Un peu comme toi, 35. Non, moi, c'est très bien, monsieur. Non, mais bon, 35-45. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Oui, Nico Dubureau. Maintenant, c'est devenu un nom commun. On dit aux filles, ouais, tu fais ta Bridget, en fait. C'est vrai, hein. Il y a plein de choses comme ça. Même les filles qui piquent des trucs au bureau et tout, on leur dit souvent tu fais ta lore de Virginie. Ok, c'est vrai, je me suis fait gauler. Oui, non. La limite entre kiffante et collante, elle est souvent assez fine. Elle est assez fine. On va faire un jeu. On va vous faire jouer, vous, les filles. Ok. Attends, est-ce qu'on a des filles au standard? Tiens, il y a Émilie qui est là. Salut, Miloche. Oui, bonjour, l'équipe. Comment tu vas, Miloche? Tout roule? Oui, tout roule. Bon, super. Émilie, je vais te poser des questions. Clément aussi, réfléchis. Ok. Bah, vous aussi, tiens, les filles, on peut tous le faire. Okay. Et on se dit si c'est une fille qui est kiffante ou si c'est une fille qui est collante. Par exemple, une fille qui dit tiens, je te présente Clément, c'est mon homme. Oh, c'est mignon, kiffante. Ah, ouais, c'est collant. Ah bon? Pour moi, c'est collant. Pour toi, Émilie? Ah non, c'est kiffante. Mon homme, ça va. C'est pas réducteur, quoi. C'est... Oui, enfin, les trois quarts du temps, c'est quand même je te présente Clément, c'est mon meilleur pote. Je te présente Clément, c'est le gars avec qui je ne couche pas. Mais voilà. C'est mon meilleur ami. Bah ouais, oui, Laure. Elle va déjeuner avec ta mère, kiffante ou collante? Oh, kiffante. Kiffante? Ah non, ça, oui. Ah ouais, kiffante. Ouais, mais sans toi. Ah oui, bah kiffant. Bah oui. Elle devient copine avec tes meilleurs potes. Ouais. Elle devient quoi? Copine avec tes meilleurs potes. Copine, c'est-à-dire copine. Copine, c'est-à-dire elle sympathise, il l'adore, il se voit, même sans toi. Ils couchent ensemble, normal. Ah là là, tu me fais rire. Tu sais que je suis dans une relation longue, Laure. Il n'y a aucune amitié qui se crée sans arrière-pensée. Crois-moi. N'importe quel de mes potes qui croise ma chérie par hasard dans la rue, il a droit à un interrogatoire sur ta liste. Et ils le savent très bien. Ils sont sur le qui-vive de ok, attention, faut pas que. Ok, attention. C'est un interrogatoire permanent. Ça, c'est pas kiffant. C'est ni collant, c'est juste dangereux. C'est faux pas. Ça arrive. Clément. Elle veut que vous soyez en couple sur Facebook avec ton nom affiché et tout. Est-ce que c'est kiffant, genre on est ensemble ou c'est un peu trop. T'es dans ma vie? Ah. Ça dépend du temps, mais c'est, voilà. C'est, si ça vient en commun, ouais. Si ça vient pas en commun, que c'est un truc genre imposé à tel truc, je pense que c'est un peu collant, moi. Tu crois que ça peut venir en commun d'un garçon? Ça peut venir de nous ou pas? Non, jamais. Moi ça me gênerait pas, par exemple. J'ai pas le truc sur mon Facebook, mais ça me gênerait pas du tout de le mettre, par exemple. Ouais. Les amis, peut-être que vous nous rejoignez tout juste sur Virgin Radio. On est en train de créer une vraie séquence. Kiffant ou collant? Kiffante ou collante? Oui, parce que c'est pour les filles. C'est pour les filles. Oui. On continue. Est-ce que t'as des propositions, Pauline? Oui. Des fois, elle vient te chercher le soir au taf en mode surprise. Ah, c'est collant, ça. Oh non, kiffant! Ah non, c'est collant. T'en penses quoi, Émilie? Surveillante. Non, collante, ouais. Oh. Ouais. Alors ça dépend, si elle t'attend à la voiture devant, bon ça peut être kiffant, mais si elle vient te chercher vraiment à la poste, moi je trouve que c'est collant. Je suis là et voir qui y a. C'est un peu collant, ouais, Laure. Bah moi je le fais, Juju il adore. Il trouve ça hyper kiffant. Ouais, qu'il te dit. Laure, que Nico, pardon. Ouais, mais Laure, elle l'attend dans la voiture, mais avec un journal et des lunettes de soleil. Discrètement. Clément. Kiffant s'il ramène un goûter. Ah. Ah ouais, je pense qu'à ça. Ouais. Au bout d'un mois, elle laisse sa brosse à dents chez toi. C'est kiffant, c'est collant. Bah, kiffant. Mais pourquoi kiffant? Bah, si vous êtes bien, elle laisse sa brosse à dents, c'est sympa. Ouais, mais tu demandes. Elle laisse comme ça, elle laisse. Ça se demande pas, ça. Oui, Pauline. Mais c'est kiffant, c'est un petit signe que t'as envie de rester. Et puis si tu l'oublies, ça veut dire que t'as envie de revenir. Ouais. Non, c'est kiffant. Bah oui. Clément. Pour moi, c'est collant, surtout quand tu vois l'état de ma salle de bain, quoi. Émilie, je t'embrasse très fort. Merci d'être là pour rigoler avec nous le matin au 39-16. DJ Snake, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Let me love you. Excellent réveil sur Virgin. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Take gold through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down.

matinée, surtout à vous tous qui l'avez démarré depuis bien longtemps. Bientôt 9h, bientôt un point sur l'actu. Bientôt Pierre-Alex qui arrive pour le pop rock électro, ouais. Jusqu'à midi bien sûr. Mais pour le moment, des beaux cadeaux. Le Virgin Tonic est là. Oui. Yeah. On vous a payé trois fois votre loyer. Plus de 2000 euros de loyer offert ce matin. On vous offre 50 ans de loyer vendredi matin. Oui. 8h20. Le plus gros chèque jamais fait par une radio en France. Il sera pour vous, pour les meilleurs auditeurs de France. Vous le méritez. Et pour le moment, c'est des iPhone 7 qu'on a à vous offrir. On le précommande pour vous dès aujourd'hui. Vous l'aurez en même temps que tous ceux qui ont passé toute la nuit devant un Apple Store. On vous l'offre ce matin. Pour ça, il faut gagner un jeu. On est à 4 défaites d'affilée. Ouais. 4 défaites d'affilée. Il est très dur ce jeu. C'est peut-être maintenant que vous allez nous prouver que vous pouvez le gagner. Il est temps de passer au pari d'amis. Virgin Tonic. Clément, Ginger, Laure, Polly, Nico du bureau. Le pari d'amis. Le pari d'amis. Le pari d'amis. Il est très simple. Je vais expliquer quand même le principe. Vous êtes tous dans le studio. Nico, Laure, Clément, Ginger, Pauline. Oui. Et maintenant avec nous au standard au 39-16 qui a eu la chance déjà d'être tiré au sort parmi des milliers d'appels. On accueille Antoine. Salut Antoine. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Antoine, j'imagine que t'as envie d'avoir cet iPhone. Bah, très très envie. En plus c'est pas pour moi, ce sera pour ma femme. C'est son anniversaire dans 15 jours. Très bien. C'est en plus un beau cadeau. Ouais. Est-ce que tu crois que cette équipe va te permettre de le gagner? Est-ce que tu crois que tu peux remporter ce jeu très difficile, le pari d'amis? En tout cas, il y a intérêt parce que je suis pas loin du studio sinon. Bon. Déjà un point pour toi. Le principe, il est très simple. Avant de faire sortir l'équipe, je le rappelle, vous allez quitter le studio, vous n'entendrez pas les questions. Je vais te poser trois questions de culture générale, Antoine. Tu auras peut-être les bonnes réponses, peut-être pas, à vrai dire, peu importe, on s'en moque. Puisque l'important, après, je vais te demander à chaque fois de parier sur quelqu'un dans l'équipe qui peut. Ça, c'est à mon choix. Je vais te demander peut-être de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. Et je peux aussi te demander de trouver quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse. Puis l'équipe re-rentrera dans ce studio. Ensuite, je leur poserai les questions sur la personne sur laquelle t'as parié. Elle devra simplement me donner la bonne réponse si elle l'a. Et ensuite, elle découvrira s'il fallait quelle est la bonne ou la mauvaise réponse. D'accord, l'équipe, vous pouvez quitter le studio. Antoine, attention, c'est parti. On va se retrouver tous les deux. J'ai trois questions pour toi, mon petit père. Ça marche. Ma première question, la voici. Ma première question concerne la série Friends. Vous connaissez tous la série Friends. Ils sont six dans la série Friends. Et je vais te demander lequel des six amis a pour métier paléontologue. Est-ce que tu as la bonne réponse déjà, Antoine? Je connais pas. C'est Ross. Honnêtement. Dans la série, D'accord. C'est Ross. Les six, c'est lui. Il est paléontologue. Ok. Je vais te demander de me parier sur quelqu'un dans l'équipe qui n'aura pas la bonne réponse. D'après toi, entre Nico, Laure, Clément, Ginger et Pauline. Ouais, je vais parier sur Clément. Clément. Je pense, je crains qu'il ait la bonne réponse. Je rappelle, il ne sait pas du tout, ils nous entendent pas, ils savent pas du tout si on cherche des gens qui ont la bonne ou la mauvaise réponse. Deuxième question, la voici. Quelle est la capitale du Kazakhstan? Le Kazakhstan. Est-ce que t'as la bonne réponse, Antoine? Non plus. Non plus, je l'aurais pas eu non plus, sincèrement. C'est Astana. Ah, d'accord. Et je vais te demander de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. J'ai le droit de redire Clément? Bien sûr. Clément. Ça, c'est un très bon choix, j'aurais fait le même choix que toi. Parce que, pourquoi? Il est pas mauvais en géographie, et puis, Astana, c'est une équipe du Tour de France. C'est vrai. Un peu le Tour de France, ça peut aider. Attention, dernière question. Dans le film, le dessin animé, le film d'animation Chicken Run, je sais pas si tu l'as déjà vu. Si, avec les poulets. Exactement. Comment s'appelle la poule qui prépare une évasion? Est-ce que tu le sais? Aucune idée. Elle s'appelle Ginger. Sur qui est-ce que tu veux parier? Je vais te demander de trouver quelqu'un qui tu penses peut avoir la bonne réponse. Bah, je vais dire Ginger. J'aurais fait pareil. Parce que dans mon avis, si elle l'a vu ne serait-ce qu'une fois, elle n'oubliera pas. Bah oui. Écoute, je trouve que tes paris sont très bons. Je vais demander à l'équipe de revenir. Maintenant, on va avoir la vérité de l'équipe des Bracas. Hein. Mais en tout cas, je trouve que tu as fait de très bons paris. J'aurais parié, à part, sur pas tout à fait comme toi, mais quasiment comme toi. Ok. Antoine, je vais poser trois questions. Il a fait ses paris. La première question, elle est pour Clément. Je suis là. Il a parié sur Clément. La première question que j'ai posée à Antoine, elle portait sur la série Friends. Je lui ai demandé, parmi les six amis, les six personnages principaux de Friends, lequel de ses amis est paléontologue? Ross Geller. C'est une bonne réponse, malheureusement, on voulait une mauvaise réponse. Aïe, aïe, aïe. Je lui ai dit, le reste j'aurais parié comme lui, je lui ai dit, sur celle-ci, ah. Il spontanément il est parti vers Clément, je dis je connais bien Clément, on connaît tous les deux très bien la série. Mm. Malheureusement, il y en a qui n'avaient pas la bonne réponse dans l'équipe. Tu l'avais pas, Pauline? Non. Ah bon, parce que non. Ceux qui ont connu et qui ont aimé, ouais, la série Friends, c'est obligé de le savoir. Bah, Clément. Oui. Mais je suis nul en série, c'est la seule que je connais, je suis désolé. C'est pas grave. Antoine, pas de panique, je rappelle, une seule bonne réponse et c'est gagné pour toi, d'accord? Très bien. Un seul bon pari d'ailleurs. Mm-hmm. La deuxième question, elle est aussi pour Clément. Ok. Ah, ah. Et je pense qu'il va l'avoir. Quelle est la capitale Kazakhstan? Clément, réfléchis, c'est pas simple. Capitale du Kazakhstan. J'ai peut-être pas le droit d'avoir la première qu'on lettre. On a voulu quelqu'un qui a la bonne réponse, peut-être quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Attention, Clément, faut me dire. Non, je l'ai pas. Je l'ai plus, je la retrouverai pas. Non. Antoine, c'était quoi? Astana. Astana. Ouais. Astanas. On cherchait quelqu'un qui ait la bonne réponse. Aïe, aïe, aïe, aïe. Okay, allez, donnez une réponse, les amis, parce que même si vous en donnez une mauvaise. Si on voulait quelqu'un qui ait la mauvaise réponse, ça peut le sauver. Ah oui, si vrai. Vous dites je sais pas, eh ben je le prendrai pas. Ouais, ouais, d'accord, ok. Stratégie. Ouais. Il y en a là-dedans. Ouais. J'ai des méninges. Oui, oui. Bah oui. Ça bosse, ça bosse. 14 sur 20, bac. Antoine, tout va se jouer sur cette dernière question. Je suis stressé. Tu l'as compris. On joue quand même pour un iPhone 7. Un cadeau magnifique. Il est pour ta femme en plus, peut-être qu'elle nous écoute, là elle doit être très passablement énervée. Bah, je pense, elle est en vacances en plus, elle va passer des sales fins de vacances à cause de moi. Oh, voilà. Peut-être l'iPhone 7 pour elle. Pour ça, il faut que tu aies bien parié sur la dernière personne. Et la dernière personne sur qui Antoine a tout misé, c'est Pauline. Non, je déconne. Oh non, oui, ah oui. Non, il a compris. C'est Ginger. Aïe, ok. C'est Ginger. Ginger? Ouais. Ça porte sur un film d'animation. Mmh. Dans le film d'animation Chicken Run, comment s'appelle la poule qui prépare une évasion? Quelle est ta réponse, Ginger? Est-ce qu'elle s'appellerait pas Ginger? Tu penses que la poule dans Chicken Run s'appelle Ginger? Je crois. J'ai le cœur qui bat 1000 à l'heure, c'est horrible. Eh bien, elle s'appelle Ginger et on cherchait quelqu'un qui ait la bonne réponse. C'est gagné. Oh, au bout du suspense. Oh là là. Au bout du suspense. Merci Ginger, merci Ginger. Oh là là, avec plaisir. Merci Ginger. Merci Chicken Run. Ah, je vais le regarder ce soir. Oh là là là là là. Il a été malin parce que... Alors moi, par exemple, j'ai jamais vu Chicken Run, ouais, mais quand je lui ai dit la bonne réponse c'est Ginger, on s'est dit, voilà, tu l'oublies pas. Ouais, ouais. Bah non, est-ce que bah je veux dire, même si tu l'as vu une fois vite fait, tu n'oublieras jamais qu'il y a un personnage qui s'appelle Ginger. C'est et malin. Il a bien parié. Alors Clément, je l'aurais vu sur Astana, je vous dis franchement, je croyais qu'il l'aurait. Non mais je suis fort sur les capitales, sauf cette région-là, je les connais. Bah, les Kazakhstan, Turkistan, c'est dur. Bien, moi, je connais à peine celle de la France. Hein, donc je vais pas juger. C'est juste que t'es tellement bon là-dedans, je pensais que tu l'aurais. Ouais, celle-ci, non. Sincèrement. Et bah écoute, Antoine, au bout du suspense, je suis content, c'est fait. Bah ouais. Il a fallu faire 6 fois le jeu pour Trouver un gagnant. Il est bien ce jeu, mais il est dur. Antoine, tu le mérites. iPhone 7 pour toi. Merci, merci, merci. Vous êtes vraiment géniaux. Je vous écoute tous les matins. Je suis sur la route, je suis commercial. Je vous écoute vraiment tous les jours et échangez pas. Vous êtes top. Mais t'es un ange, mon poteau. On est tellement heureux, nous, d'être avec vous chaque matin. Voilà, l'iPhone 7 pour toi. On me dit de te dire qu'il est une autonomie plus longue. Un appareil photo, il est résistant à l'eau. Bah, de toute façon, il est bien, quoi. Voilà. C'est pour une fille, donc c'est bien, tant mieux. Bah, voilà, très bien. Antoine, mon pichon, bah, je suis ravi. Mon pote, merci de ta fidélité. Je suis content de te l'offrir. Merci beaucoup, merci à vous et bonne journée. Je t'embrasse, mon pote, merci encore. Embrasse ta femme, elle va être heureuse. iPhone 7 pour elle. Alors, on n'a plus trop le temps d'offrir le deuxième. Vous savez ce qu'on fait? Non. Vous nous appelez au 3916 demain matin. Oui. Mm-hmm. À 6h, on commence, à 6h du mat, on commence par le Paris d'Amis. Carrément. Ah ouais. 6h00, bonjour à tous, salut, c'est jeudi. Paris d'Amis, iPhone 7. Ok. Trouvez une radio qui, à 6h du mat, vous offre déjà un iPhone 7. Ouais, c'est clair. iPhone 7 à gagner demain, 6h00. Inscrivez-vous dès maintenant au 3916. C'est peut-être vous qui serez le grand gagnant, c'est tout ce que je vous souhaite. On s'est régalé encore ce matin. J'espère que vous aussi, on est très très impatients de vous retrouver demain. D'ici là, on reste tous ensemble. Podcast, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, tutti quanti. On s'échange des messages tout l'après-midi, dites tout ce que vous pensez de l'émission. N'hésitez surtout pas. Réponse à tout, question de ouf, de retour aussi demain, Clément. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est quelle est la phrase que tous les vendeurs sortent?

fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire no. No. I should have gone. I should have left when I could, but I didn't. How hard can it be to say no? No, no, no, no, no, no. Je ne suis qu'un homme. I should have gone home. I should have gone. Qui n'a pas appris à dire no. No, no, no, no, no, no. Virgin Radio, bienvenue, c'est Pierre Alex. Avant d'écouter The Avener, faut absolument que je vous parle de ça. 50 ans de loyer. J-2. Alors Camille Combal vous en parlait il y a quelques minutes. Les amis, dernière ligne droite. Parce que là, ça y est, dans pile deux jours, à la même heure, la 9h11, l'un ou l'une d'entre vous aura gagné 50 ans de loyer. Donc n'attendez pas qu'il soit trop tard. Vendredi matin à 8h20, Camille Combal va payer à l'un ou l'une d'entre vous 50 ans de loyer. Vous imaginez, vous allez pouvoir oublier vos dettes, oublier le crédit de la maison, oublier votre loyer chaque mois. On va s'en occuper. 900 euros de loyer, eh bien sachez qu'on vous fera un chèque de 540 000 euros. Donc, que vous soyez au boulot, quoi que vous fassiez, envoyez maintenant votre SMS code loyer au 7 12 13. Et si Camille Combal vous rappelle vendredi matin à 8h20 vous demandant quelle est la seule radio qui paye votre loyer, vous répondez Virgin Radio. Et là, plus de loyer à payer pendant 50 ans. Loyer au 7 12 13. Allez-y, faites-le ce matin. Faites-le tout de suite. Et pendant ce temps, je vous prépare The Avener avec également Charlie Pousse et Imani. Pour se dire bonjour, c'est Pierre-Alex, bienvenue. Moi, je veux toujours avoir sur moi du linge bien propre. Alors mes lessives, je les fais à moins 50. Mais non, c'est pas la température. Chez U, à la foire à l'euro, la lessive liquide Ariel Simply est à moins 50%. Soit le flacon 2,15 litres de 33 lavages à 3,40 euros. Moins 50. Le bon programme pour faire de belles économies. Soit 1,59 euros le litre. Régulier ou fraîcheur d'été, c'est jusqu'au 24 septembre. Dans les magasins U participants, liste sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Le magique anniversaire de Butte, c'est en ce moment. L'aspirateur balai Dyson est à 239,99 € au lieu de 399,99 €. 160 € de réduction, dont 40 € en bon d'achat. Moi, on me dit ça, j'y vais. Butte, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur butte.fr. Chérie, tu passes l'aspirateur ? Ah bah non, je peux pas. Pourquoi ? Parce que je vais chez Butte. Ah bah oui. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94 € le lot de 2 x 250 grammes. Puis le café Lidl à 2,69 € le lot de 2 x 250 grammes. Juan. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87 € le kilo. Lidl, 5,38 € le kilo. Ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon braquage. Renault Twingo est à partir de 99 € par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 € si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le Saint-Félicien tradition. Un fromage. Du 14 au 16 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le Saint-Félicien de 180 grammes, 27% de matière grasse au lait de vache thermisé et fabriqué en France à 1,85 €, soit 10,28 € le kilo. Un Saint-Félicien. Comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Okay. Okay. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, Virgin, c'est Virgin Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh. But when you're gone, the music goes, oh, oh, oh, oh, oh. I lose my rhythm,

C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you. Virgin Radio. Okay, go. Nash. I hate you, I love you, and I'll never be. This is Trim Deleuze. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Ladies and gentlemen, please welcome Le Maître. Virgin, Virgin, Virgin, Virgin. I wanna run away.

disaster. I dumped myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he's so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Voilà qui laisse deviner que tout se décide, décide, décide. Tout se décide, décide, décide. Qui est comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont libres, vite, vite, vite. Mains sont libres, vite, vite, vite. Ceux de tes poignets tatoués, défigurés par ta manche. Lion sourd et qu'à moitié, âme solide, immense. Ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes dehors, je porte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. And if you say just wanna stay with you, she's my station. She's my station. And if you say just wanna stay with you. La belle attitude que la patience comme certitude. Collier à trois fils, fils, fils. Lié à trois fils, fils, fils. Sera, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire. Que tu respires, pire, pire. Dans ton air, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. And if you say it's just fun, or if I stay with you, oh no. Here's my station. Here's my station. Oh. And if you say it's just fun, or if I stay with you, we are so lonely in this fire.

citron, coco. Et si vous prolongez la douceur des vacances à la rentrée? C'est facile avec Alza. Des gâteaux délicieux, de bons ingrédients et beaucoup d'amour. En plus, sur alza.fr, plein d'astuces pour des gâteaux encore plus rigolos. Demandez le gâteau Châteaufort, Marel. Ma rentrée, c'est du gâteau avec Alza. Pour votre santé, bougez plus. Virgin Radio. Virgin Radio. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau Lost Frequencies. Le nouveau 21 Pilots. Le nouveau The Chainsmokers. More. Radio. Rock Electro. Maintenant. Sur Virgin Radio. 40 minutes. Pop. Rock. Electro. Non-stop. Virgin Radio. No, no, no.